Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui, bah bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode. C'est, parti, ah, c'est donc. Fou quand même. Bah oui, c'est parti d'un coup. Mais fais-le. Ça y est. Je suis comme à l'accoutumée accompagné d'Adrien Méniel. Oui, est-ce que ça va? Oui, bof, bof. Comme bah alors, c'est comme d'hab, on sait pas. Oui, on sait pas. Non, non mais ah ouais, moi ça va très mal. Ouais. Bah oui, oui. À tous les niveaux. Comme, tu veux nous dire pourquoi? À tous les niveaux. Bah ouais, le monde, ma gueule de bois. C'est bien que t'aies mis le monde avant. C'est bien. Gueule de bois, et je précise, tu ne parles pas des élections, tu parles d'une réelle gueule de bois. Parce que souvent on dit la gueule de bois après les élections. Non, là c'est une vraie gueule de bois. J'ai bu 4 bouteilles, pas toute seule, tu vois. Mais on était 3, c'est trop, je me dégoûte. Désolée pour ma voix, on dirait un standard. C'est charmant. Un standard parlant, genre. Oui, donc Adrien, ça va oui, sympa. Oui, bah, voilà quoi. Oui, bon, tu te doutes bien. On va finir cette saison assez rapidement. On va arrêter un peu de traîner en longueur. Comme à l'accoutumée, nous sommes accompagnés de deux invités. Notre première invitée est humoriste, comédienne et animatrice du podcast 4 quarts d'heure. Vous l'avez peut-être vu récemment dans le The Voice de l'humour, selon moi, comédie sur Prime Vidéo. Sur Prime Vidéo. Alors est-elle la Louane du rire, la Claudio Capéo du stand-up ou. Espérons que non pour sa propre santé, la Kenji Girac du rire, c'est Camille Laurence. Ouais. Merci, merci. Qui est Claudio Capéo, genre? Quoi? Quoi? Mais si. Mais qui est-ce? Bah, Claudio Capéo. Moi, j'avoue que je l'ai pas. Il s'appelle Claudio Capéo. Non, Claudio, ouais. Claudio. Ouais. Mais cela dit, je connais pas de chanson de lui. Je vois mais qui c'est. Mais c'est qui, putain? C'est un chanteur, c'est ah, un mais chanteur. Mais toi non plus, tu sais pas, moi non plus, je sais pas. T'as fait un geste, genre accordéon. Accordéon, un peu, tu sais, un style de mec qui met des gilets sans manches, là, et des chapeaux. Frérot des Vegas, un peu. Non, pas trop. Plus bolasse encore. Oui. Oh, wow. Plus chelon dans la rue. Masse bolasse. Ouais. Donc okay. C'est vraiment Claudio Capéo pour le un petit peu. Et personne ne sait ce qu'il chante donc cette personne. Là, là moi comme ça, j'ai ça pas le. Ça me revient pas. Ouais, mais donc toi, tu balances des refs, mais tu sais même pas qui c'est en fait. Attends, mais moi, à un moment, c'est la fin de saison là. Épisode 35, 36. Je l'ai super bien pris en tout cas. Bah, vu qu'on dit que c'est un Claudio, ouais. Notre seconde invitée est autrice et également animatrice du podcast 4 quarts d'heure. Elle vient de sortir un livre intitulé Les Jourmaux, un roman qui raconte le road trip d'une jeune femme qui va voyager avec les amis de son père pour aller répandre les cendres de ce dernier. C'est le roman qui doit vous accompagner cet été avec votre voici sur Gad et Nathalie Portman. Je sais pas si vous avez suivi ça, c'est attends, la quoi. Leçon. Attends, quoi? Moi, ah mais oui, je le sais. Moi, je suis comme un dingue. Moi, je suis comme un dingue. Présente-la et après on revient sur ça. Et aussi votre immense dépression post-élection pour cet été. Oui. C'est évidemment Kalindi Ramphul. Ouais. Par contre, c'est Kalindi Ramphul. Ramphul, pardon, j'ai dit Ramphul. Plus. Qu'est-ce qui se passe la semaine dernière? Non, c'est pas mais la semaine dernière. Toi-même. Bah non, mais c'est le mois dernier, je vais à la matinale d'Inter et comment il s'appelle la personne? J'ai encore oublié. Demorand. Disons Nagui. Ouais. C'est pas lui. Demorand qui me dit bien avant. C'est bien Kalindi Ramphul. Je lui dis oui, super du premier coup, merci beaucoup. Et là, on est, il met l'antenne. Je sais pas si on met l'antenne. Il met l'antenne. Dans la... sur le bouton. Et là, il dit, eh bien tout de suite Kalindi Ramphul. Et je suis là, c'est pas possible. Kalindi. Et là, il dit donc elle grandit dans le 7e. Je suis là, pas du tout. Je grandis dans le 15e. Et là, je réfléchis, je me dis mais peut-être Kalindi a grandi dans le 7e. Ouais, ouais, y a peut-être... C'est ça, peut-être qu'il confond. Mais c'est pas, terrible, j'en peux plus. Respectez-moi. Kalindi Deluna là, c'était quoi? Non, cette personne. Ah, Sheriff Aluna. Non, il y a un truc qui s'appelait. Ouais, j'ai oublié. Mais en tout cas, moi, on est sur une série de très belles réceptions des gens chez France Inter. Ouais. Avec la semaine dernière, on a longtemps parlé nous, de ça. Nous, je suis allé chez France Inter, où c'était pas ouf. Ouais, c'était pas ouf, Fabon. Ouais, non, c'était ouais. pas ouf non plus. Bon, mais moi, ils sont pas trompés sur moi, parce que c'est. C'est pour ça que... Alors, j'ai une vraie question d'ailleurs sujet. Parce que moi, je m'appelle Florent Bernard, donc personne fait d'erreur sur mon nom. À part moi, qui t'appelle Florian parfois. Oui, mais parce que tu t'approches chaque jour de la folie pure. Mais tu prends vraiment mal quand on rate ton nom ou pas? Parce que je prenais mal il y a 10 ans. Aujourd'hui, j'en ai plus rien à foutre. T'as envie de m'appeler Ghislaine. Appelle-moi Ghislaine. J'ai plus aucune. Enfin, si tu veux, un jour, il y a quelqu'un qui m'a appelé Coquinka. Je t'en parlais juste avant. Tu vois. Quoi? En fait, un jour, je suis avec un gars dans un festival de Cinoche. J'ai dit Cinoche, je m'en excuse devant la France entière. T'es en famille. Et là, il y a un gars qui fume sa clope électronique, là, et il commence à me dragouiller. Et deux jours après, j'ai mon pote qui m'appelle et qui me dit, mais t'as beaucoup plu à mon pote, donc ce gars-là, est-ce que vous suivez cette histoire ou pas? Et il m'a dit, très mignonne, ta petite copine Coquinka. Non, mais. Et j'étais il là. Il a fait exprès, non? Mais pas du tout! C'est un espèce de conservateur d'art qui fume des clopes électroniques. Donc, mais si justement, tu veux... c'est pas un bon mot, genre. Oh, Coquinka. Ah non, il est complètement con. Non, pas du tout. Justement, ouais. Justement. On l'embrasse. Grand fan de Stéphane, l'émission. Stéphane, si tu nous entends. Donc, comme à l'accoutumée, on va faire. Ah oui, donc Gad Notay Portman, juste vite fait, c'est la rumeur qui fait le buzz en ce moment. C'est incroyable. J'ai vu ça dans sur Attends, Twitter. Elle est plus avec Millie Epp, du coup. Il y a eu des photos, ils sont dans une histoire d'un resto, donc jusque-là, pourquoi pas. Et il y a une photo dans la voiture, il y a une main sur un genou. Oulala, ça va tout dire. Bah, soit ils sont ensemble, soit c'est chaud pour lui, parce que ça se fait pas. Et la photo d'après, c'est elle qui lui met une droite. Non, non, écoute, elle a l'air d'être ouais, complètement. Tu me touches les genoux, je t'en tourne une personne. Camille ne supporte pas qu'on lui touche les genoux. C'est terrible. Même dans la. C'est mon point faible. Même dans l'intimité. Même. Ou... D'accord. Ah oui, même quand c'est avec quelqu'un avec ah, c'est le genou. Ah, okay. Donc tu pourrais jamais être avec Gad Elmaleh, en fait. Jamais, mais c'est pour ça qu'on est plus ensemble avec Gad. C'est pour ça que je l'ai quitté. Ah mais c'est parce que c'était zone surtout pas quoi. Zone interdite. C'est ça exactement. Donc on va faire le jeu du floodcast. Une néo-zélandaise et pas zélandaise. Une néo-zélandaise a été arrêtée dans un aéroport alors qu'elle se rendait en Australie. Qu'avait-elle dans ses bagages pour être arrêtée? Des animaux. Des kiwis. Ah, pas des kiwis. Alors vous pouvez poser donc des questions. Donc c'était interdit ce qu'elle transportait. Alors oui mais je ne. Enfin ça me paraît évident maintenant pas. Mais je l'aurais pas pensé comme ah, ça. Ah donc c'est pas des animaux. C'est pas des animaux. Ça se mange. Ça se bouffe ouais. Ça ne se mange pas vraiment. C'est végétal. Un être humain, un autre être humain. Alors non mais on s'approche presque. Il a dit quand même ça lui serait pas venu à l'idée que c'était interdit donc un autre être humain je pense. Enfin on peut non, sous-estimer l'intérêt de. Du sperme. Pas du sperme. Ah c'est de... du sperme. Ah, organique. C'est des... ah, comment? Un fluide quoi. C'est on pas s'approche. Un fluide. Organique. C'est organique. C'est organique. Ça vient du corps humain. Ça vient du corps humain. La peau. Pas la peau, pas la morve. Des crottes de nez. Oh non. Du pipi. Elle devient enrhumée quand elle dit crottes de nez. Ah, de la défécation. Pas de la défécation. Du pipi. Pas du pipi. Ni le pipi, ni du vomi. Pas du vomi. Oh là là, stop. Parce que c'est non, mais attends, j'ai la gueule de bois, merde. Ça va, t'es plus chez Europe 1 là, ça va. Un œsophage. Ah, c'est peut-être des organes. On y est. Mais quel organe? Un foie. Un bite. Non, pas une foie. Un morceau d'un intestin grêle. Pas un morceau d'un intestin. Des gougouttes. Pas de gougouttes. Un clitoris. Pas un clitoris. En porte-clés. Mais lumineux. Mais il y avait un film comme ça. Il y avait une meuf, elle se trimbalait avec un sac avec des burnes. Ah, bah, c'est l'Empire des Sens, un film japonais exceptionnel. Ah, oui, elle lui coupe les burnes et elle les trimballe dans sa petite sacoche. Voilà. Sympa. Sublime. Ouais, mais il était pas sympa. C'est un peu aussi. Des petites sacoches dans une sacoche. Exactement. Oh, Georges Brassens. Voilà. bah, vous y êtes prêts? C'est un organe. Alors, des yeux, des yeux. Interne. Ah, une langue. Ah, pas un foie. Pas un foie. Un estomac. Une pas rate. Estomac, pas une rate. Qu'est-ce qu'on connaît comme organe? Il y en a un très évident. Un estomac. Pas un estomac. Putain, mais il y a quoi comme organe? Intestin. Pas un intestin. Un utérus. Pas un utérus. Attends, très évident. Une vessie. Pas une vessie. Des reins. Pas des reins. Attends, je vais vous l'offrir. Non. Pancréas. Une glotte. Pancréas. Ah, pensez à un truc. Elle avait une glotte dans la valise. Une langue. Pas une langue. J'ai déjà dit. Pardon, mais je. C'est un truc vital. Dans ma bulle. Vital. Le cœur. Ah bah, je suis le dans ma cœur. Bulle. Oh là là. Ah, oui, le cœur. Et pourquoi elle avait un cœur à votre mais avis? Pourquoi? Mais je suis. Parce qu'elle avait trop regardé les pirates là. Putain, j'ai encore oublié. Ah, Pirates des Caraïbes. Oui. Oui. Il y a cette. Il y a un truc de super bien mimé les pirates. C'est très pirate friendly ce podcast. Je précise. C'est vrai. Oui, parce qu'ils ont un cœur. Je sais plus ce qu'ils en font, mais peut-être c'était une histoire de ça. Trop fan de pop. C'est ça. Tu te crois à ma gueule. C'est ça la raison. Non, c'est pas par rapport à Pirates des Caraïbes. Non, je disais c'était ça le film. Non. Non, écoutez, c'est. Attends, mais est-ce que c'est parce que elle avait besoin d'un transplant? Alors, genre, elle est son enfant qui va mourir. Non, c'est pas aussi triste. Et mais... genre les réseaux traditionnels prenaient trop de temps. Elle est allée en acheter un au marché noir et elle l'a ramené elle-même. Non, mais c'est une belle histoire que je te propose de vendre à Amazon. C'est lié à la transplantation, mais c'est différent. Alors je vais vous raconter l'histoire. Okay. En gros, donc c'est dans un aéroport en Nouvelle-Zélande. Jessica Manning a subi une double transplantation cardiaque et hépatique il y a 6 ans après plusieurs opérations chirurgicales. La jeune femme de seulement 30 ans est née avec 6 malformations au niveau du cœur. Donc déjà pas ça de fait beaucoup là, non? Exactement. Véritable miraculé, elle a essayé de faire don de ses vieux organes à la science. Le foie est parti dans une université pour les recherches sur la cirrhose, etc., etc. Mais il lui restait le cœur, dont personne n'avait besoin. Elle allait le récupérer. Non, mais en Nouvelle-Zélande, dans la culture maori, on croit fermement qu'il faut rendre son corps tel que Dieu l'a créé et qu'il faut le rendre à la terre, quoi, au monde. Et donc du coup, elle est allée dans un endroit où elle a grandi en se disant « je vais enterrer mon cœur ». Dans oh, cette petite propriété. Wow. Et donc du coup bah là, donc c'était son poubelle. Propre cœur. Ouais, c'était son ancien cœur. Ils l'ont oh pris là, mais ouais. Ils lui ont pris son cœur. Ils lui ont pris son cœur. Waouh. Qu'est-ce qu'il y a Adrien? C'est nouveau la voiture de Dumb and Dumber sur tes étagères? Oui. Ouais, c'est vraiment mais bon, ah bon, je suis fou de pop culture. Et puis et j'ai l'œil. Mais il y a des choses très éclectiques dans cette bibliothèque, on en parlait avant. Kalindi a découvert que bah voilà, c'est vraiment une bibliothèque d'un couple quoi. Donc il y a deux mondes qui s'affrontent un petit peu. Mais bien séparés quand même. C'est formidable. On a un peu elle a pris du terrain là quand même. Oui, c'est vrai que rapport au fait que je lis très très peu, mais oui. J'ai d'ailleurs le livre de Kalindi. Ah, tu l'as pas lu? Pas encore lu. Mais on peut, encore oui, lu. Mais je le garde pour cet été. Ah oui. Mais je vais vous lire la dédicace qu'elle m'a fait. Alors attends, il est. Je vais vous lire la dédicace que m'a fait Kalindi sur son livre. Alors, bougez pas. Hop là. À ma mamie G, ma grand-mère de cœur, avec tout mon amour, Kalindi. Bah, quoi, c'est vrai que c'est ton petit, le petit nom que te donne à Florent. Ouais, ma grand-mère de cœur. Ma petite mamie G. Voilà. Non, en fait, c'était le bouquin que j'avais signé pour la grand-mère de mon mec. Et en fait, je me suis trompée. Et attends, on n'a pas dit que t'as rencontré ton mec ici. C'est même. Vrai. Ah oui, petit story time. Écoutez, il y a combien de temps qu'on fait ce floodcast où on était 206? Oui, on était nombreux. Pourquoi il y avait vraiment trop d'hommes. Il y avait beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de gens. Et Camille n'était pas prévue, je me souviens. J'étais invitée. Ouais. Elle était invitée, mais t'avais été super. On partageait un micro, je crois. Oh, t'étais super. Bah oui, elle est toujours super. Toujours super. J'étais ivre, je crois. C'était l'épisode où on chantait. On était saoul et ouais. Il y avait des chansons paillardes de Noël. Enfin, c'était un épisode très riche. Non, moi j'avais été excédée à ce moment-là. Je suis navrée de vous le dire. Non, mais d'ailleurs, je crois qu'il y a une absence de ma part à ce niveau-là. J'étais là, je crois que je comprends pas les règles du jeu. C'est le moment où tu nous avais un petit peu lâché, mais effectivement, on était très nombreux. Je me souviens plus qui y avait, mais je sais que parmi ces invités, ouais, il y avait quand même quelqu'un. Oui, que j'ai détesté au départ. C'est vrai. Ah, mais en fait, j'ai trouvé insupportable pendant tout le podcast, quoi. Donc, c'est mon mec qui s'appelle Amaury Magne, qui used to be un youtubeur et qui aujourd'hui fait d'autres trucs, il est scénariste. Ça. Qui est passé et par Golden Moustache, c'est là qu'on l'a connu. C'est nous qu'on l'avait rencontré. Exactement, l'a rencontré, c'est ça. Ouais. Et vous l'aviez invité, et je me souviens, il y avait la personne du cinéma sur YouTube, dont j'ai oublié le nom. Text from the Click. Jean-Baptiste Toussaint, ouais. Super sympa. Bah, voilà. Qui anime le pot chias. Voilà. Ah, mais c'est lui qui anime. On y revient. Et bah, ça m'étonne parce que je l'avais trouvé si chic, tu vois. Bah alors. Oui, tu le suis pas sur Insta. Ouais, tu le suis pas. Ah, mais si, mais attends, je l'ai vu à Cannes avec un beau costume. Et oui, toi en mode oui. James Bond. Quand tu rentres chez lui, je suis dans les podcasts. Oui, bah qui d'autre porte des costumes? Bardella. Alors ça ne veut rien dire. Tu vois ce que tu me fais dire, Adrien. C'était... Et donc je rencontre Amaury. Amaury, faut le dire, arrive avec genre 40 minutes de retard. Je déteste les gens en retard. Ça va. 10 minutes, 10 c'est minutes. Ok. Et j'ai ramené des trucs à manger délicieux. Non, mais bien sûr. 40 minutes, c'est abusé, ça se fait app. Et en plus, il arrive un peu confiant de lui, avec ses belles boucles insolentes. Et je me dis, il se trouve trop beau, je le hais. Après, il est beau. Après, il est... Mais c'est insolent, tu vois. Et genre, il s'assoit et je le méprise immédiatement en me disant, il est trop beau pour être honnête, je le hais. Et en fait, après, je l'oublie complètement. Lui, avec quelqu'un à l'époque, moi aussi. Et en fait, on se suit sur les réseaux, mais je continue à m'en foutre. Ouais, donc tu détestes, mais quand même, il y a un petit follow parce que pas dégueulasse. Quoi. Parce que moi, en fait, à l'époque, je savais pas comment fonctionnait Instagram. Donc, sitôt qu'on me followait, followais en retour. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai 10 000 follow. Elle me disait, mais je suis obligée, non de... Enfin, c'est la politesse d'Instagram, non c'est... Cela dit, vrai sujet, moi il y a plein de gens que j'aimerais une follow et j'ose pas. Donc vraiment. Ah, mais moi je ne follow les gens de ma famille, j'en ai rien à foutre quoi. Ah putain, t'as changé. Je suis tellement passée par une phase de politesse, maintenant je rétrograde. Enfin bon, bref. Et un jour, Amaury me recroise dans la rue. Moi j'écoute du reggaeton, donc je calcule pas. Et en fait, lui flash sur moi, normal, qui ne flasherait pas, tu vois. Exceptionnelle beauté également, surtout aujourd'hui. Bien sûr. Et puis il m'envoie un petit DM. Et oui, finalement, ça s'est fini comme ça. C'était le confinement. On rigole et il me dit, veux-tu venir dîner chez moi un soir? Et là, il met des petits plats dans les grands. Il me fait des poissons au four, du poulpe, etc. Oh là là. Je suis séduite. Il cuisine bien en plus. Non, mais non, ce jour-là, il a éteint les farceurs. Et depuis, on est ensemble, ça fait 4 ans. Sublime. On a acheté une baraque dans le Perche, on est paxés. Oh là là, et voilà, belle c'est. Histoire. Et je crois que c'est la première histoire d'amour issue du floodcast, mais tu vois. La, enfin, entre à part Florent et moi. C'est beau. Moi, j'ai sucé Tell From The Cook. Oh, quel rêve. Alors, moi aussi, oui, ça fait 2 points. Et vraiment, il est chic. On veut dire qu'il est chic. Il est très chic dans l'intimité. Il a un portrait d'Arnold Schwarzenegger tatoué sur la bite, malheureusement. Et il n'enlève pas sa casquette Ghostbusters pendant l'acte, c'est malheureusement. Dommage, ça, c'est dommage. Mais non, je crois que c'est la seule, hein, de, en vrai, comme ça. Ça me touche. Mais ouais, pense, mais nous, ça nous fait plaisir. Flo aussi m'avait écrit un message un jour et m'avait dit, mais attends, c'est Amaury, c'est ton mec? Genre, j'étais en Grèce, j'étais là, oui. Et il me dit, mais il faut absolument, si vous avez des enfants, vous les appeliez soit Florent, soit Adrien, tu vois. Paraît, soit, c'est faut faire 2 enfants maintenant. Ok. Ou sinon, je l'appelle Florent Adrien, tu vois, ou avec un tiret. Appelle le floodcast. Oh, ouais, floodcast. Non, une fille, tu l'appelles Méniel, moi je suis ok. Ah, joli, Marie Méniel. Bah. Oh, Marie Méniel, attention, ça peut être le titre de l'épisode. C'est un peu chic en vrai. C'est joli, Marie Méniel. Ouais, super. Bah c'est écoute, beau, on va faire ça. Eh bah écoute, tu reviens vers nous avec l'enfant. Ouais, pas de sous, Ça marche. Au moins, j'appellerai mon chat comme ça. Ça, c'est possible, tu vois. Ça fait plaisir. Allez, c'est parti. Quel mal semble toucher pas mal de Swifties? Ah mais oui, je sais, ça j'ai entendu. Alors attends, on va essayer de voir. Mais d'ailleurs, j'adore Taylor Swift. C'est fou, c'est déjà un premier mal. Est-ce que c'est attention qu'il y a... Oh là là, vous êtes folle. Non, mais oui, non non. Ah mais vous êtes folle. Non non, mais on a des amis Swifties. On va se tirer les foudres. Mais vous savez pas où vous allez là. Ah ouais, ils sont violents. Vous êtes dingotes. C'est vrai. J'ai un ami Swiftie, c'est OK. Non mais vous en parlez même dans un épisode. Oui, on fréquente Alix Martino. Putain, mais tu nous écoutes Adrien ? Mais oui, j'ai écouté. Ah bah c'est sympa, merci. Bah quoi, attends. Et je pensais pas, tu vois. Bah je suis très mauvaise image de moi, c'est cool. Je suis en retard de des minutes, mais bon, pas si dégueulasse que ça, quoi. Non, non, les Swifties, attention, il y a Dave Grohl de Foo Fighters qui a fait une blague récemment en disant ouais, nous on joue en live, et il s'est fait déboîter sur les réseaux. Ah, parce que c'est pas en live, c'est du playback. Taylor Swift, c'est un peu la rumeur. Alors, il y en a qui disent que oui, qui disent que non, qu'elle ferait du playback. Mais là, déjà, je rentre dans un débat bien pire que les législatives. Donc vraiment, je vais me retirer. C'est vrai qu'on peut plus facilement se faire insulter. Ouais, vraiment beaucoup plus. Est-ce que c'est un mal vestimentaire? Pas vestimentaire. C'est un mal physique. C'est un mal. Alors pas physique, plutôt mental. Il y a une dépression post-concert. Tellement c'est bien. Alors je pensais pas du tout à c'était ça. C'était quoi du coup. Toi, tu pensais En fait, là il y a une vague de Covid dont j'ai été la victime récemment. Ah oui. Et apparemment, il y a des gens qui disent que ce serait parce qu'il y a eu des clusters au concert de Taylor Swift. Non, c'était pas ça. Taylor. Parce qu'elle a fait des immenses concerts et qu'apparemment. C'est peut-être une rumeur, pardon. Oui, les parce qu'il y a plein. Putain, on lance des rumeurs aujourd'hui. Hein. Nous, on ne vérifie plus. On n'a rien à foutre. Mais du coup, là, il y a le variant. Le variant Swift, quoi. Ouais, ouais. C'est ça. J'adore. Donc c'est pas ça. C'est non, non, c'est un truc dans le cerveau. C'est pas la dépression post. Ah non, c'est une condition. Non, alors non, pas une condition, mais ça c'est pas une dépression. Ok. Mais ça pourrait. C'est un truc que partagent tous les membres du public. Mais il l'avait avant d'écouter. Non. Ou une érotomanie. Non, pas une érotomanie. Parce qu'elle est... Non, ok, non. Pas d'érotomanie. Et c'est après les concerts, hein, c'est vraiment pas lié à Taylor Swift. Ah, ok. C'est quand ils vont voir le concert et qu'ils en sortent. Ouais. Ils partagent un truc. Ils font des crises d'épilepsie ? Non. Mais c'est. Non. Attends, c'est un truc. Donc attends, c'est psychologique quoi. C'est psychologique. Ok. Il est possible qu'Adrien dise que ces gens font leur intéressant. Voilà. Pour donner un avis. Bien sûr. Ah oui, d'accord. C'est eux-mêmes qui le disent ? Oui. Ils disent qu'ils on sont est sur HPI. Des autodiagues. Non, ils sont pas. C'est un truc oui que sur les réseaux sociaux par exemple quelqu'un a dit oh moi j'ai ça et toi tu dis oh, mais moi aussi mais moi oui aussi, bah moi voilà aussi. Oui d'accord voilà. Tu la sais, tripophobie alors, là non pas tripophobie comment ah non je pourquoi sais pas tu t'en mais... prends au tripophobe bah, quelle idée que... tripophobe moi je suis vraiment tripophobe oui mais est-ce que t'étais tripophobe avant d'entendre parler de la tripophobie j'ai ou... toujours été tripophobe okay, depuis pardon. Que je suis une tu sais pourquoi juste petit je te raconte t'en supplie. Un jour je tombe sur une vidéo YouTube d'un crapaud qui s'appelle la grenouille pipa celle qui il y a ses œufs sur le dos celle qui accouche par le dos. Et genre, bah. Ouais. Mais en même temps, c'est dégueulasse. Bah, c'est immonde. Et donc, elle accouche par le dos et t'as un espèce de top shot du crapaud où tu vois tous les bébés et ça fait. Après, ça reste des trous dans son dos, tu vois. Ouais. Et là, pas possible de m'enlever. Tu sais, c'est pas seulement un dégoût immédiat. Ça m'accompagne ça reste... dans les nuitées. Absolument, ça me colle à la peau, tu vois. Moi, ça m'avait fait ça en voyant une vidéo d'une femme qui se faisait chier dans la bouche. Non mais ça porte un nom cette phobie. Ouais, c'est... ouais. Bah écoutez, c'est... attendez. Voilà, non mais après, en je tout cas... juge pas les kinks tant qu'on me chie pas dans la bouche à moi, tout va bien. Mais juste ça m'avait un peu hanté. Cette aussi image, cette... t'avais, ouais. Et bah tu vois, moi je t'insulte pas en fait, Adrien, insulte pas ma tripophobie. Et l'autre jour, je suis au Vietnam. Enfin, vraiment tripophobe, je pense. Je vais te prouver. Un jour, je suis au Vietnam. Je marche, et je vois un étang avec plein. Comment ça s'appelle quand c'est joli dans les étangs là ? Des rizières ? Non. Ah, les lentilles d'eau là ? Joli dans les lotus. Les lotus. Okay. Les fleurs de lotus avec des putains de trousses à race maudite sur un espèce de cercle. Ça me répugne. Ah ouais. Mais qu'est-ce qui me répugne aussi ? C'est les putains de crabes de merde qui font des tout petits trous. Dans le sable ? Des putains de trous parfaits. Et à l'île Maurice, on est envahi par ces grosses merdes. Ils sont minuscules. Ils creusent des putains de trous. Et c'est tellement parfait. Genre, je comprends pas comment un truc naturel peut réussir à faire un truc aussi parfait. Ça me rend malade. Dieu, en fait. Dieu, et moi, c'est juste Dieu. Oui, si on est serait... On vous a pas dit. Podcast catholique. Ouais, méga catho. Non, mais ouais. Et en fait, j'ai découvert que j'étais tripophobe en voyant une saison de American Horror Story sur une héroïne qui est tripophobe. Et genre, elle a peur des coraux et tout. Tu sais, les coraux avec un peu des ramifications troueuses. Et c'est là que j'ai compris que c'était... Le mot ramification troueuse, peut-être le titre. Oui, ouais, j'aime bien. Et c'est là que je me suis identifiée. Et enfin, j'ai su que j'étais pas seule. T'as pu mettre un donc, mot, quoi. J'ai pu mettre un mot, n'en déplaise à Adrien Méniel. Non, voilà. Non, mais je te crois. T'as une phobie, toi, comme ça, Camille ? Non, j'ai pas ça. Moi, c'est qu'on me touche les genoux, vraiment. Ça me régime. Je reste là-dessus, quoi. Mais je comprends. Mais c'est pas mal, déjà. Hein. Et est-ce que tes genoux s'entrechoquent ? D'y penser, ça te met mal ou ça va ? Mes genoux s'entrechoquent ? Non, qu'est-ce je que sais tu pas. Dire parce par que moi, j'ai un peu un truc. Si jamais t'es un personnage de dessin animé et que tu as froid, par exemple. Non, mais. Imagine que tes deux genoux se tapent. Ouais. Moi, c'est plus le cas, j'ai des immenses cuisses entre temps. Mais à l'époque, quand j'étais petit, ça me ramène à des douleurs un peu qui m'hérissent les poils dans le dos. Des douleurs cagneuses. Moi, c'est vraiment. Ouais, tu vois, tu as fait le geste. Tu as commencé à avoir mal. C'est ça, là. C'est le. Ça part c'est du bout des doigts. C'est très podcastique ce que vous faites. Ouais, ouais, ouais, c'est bien, mais les gens peuvent s'imaginer. Je vous fais la SMR. Ça part des doigts. Ça marche pas. Et ça glisse sur le genou. Non, mais. Ouais. Mais le coude, ça va? Oui. Ah, ok, d'accord. Vraiment. Mais from les genoux, tous les pieds, faut pas me toucher quoi. Ah, tout le bas. Quand je vais me faire masser, je suis obligée de dire ne me touchez pas. Donc les tibias, tout ça. Tout quoi. Tibia. Ah, ok, inclus. D'accord. Et ça, toi... ça se crée comme un espèce de réflexe de repoussage. Oui, ça part ouais, en petite gifle comme ça. Ok, d'accord. Tu chopes à la gorge comme ça. Ouais, d'accord. Mais toi-même, ça va, tu peux te toucher les tibias. Moi-même, je peux. Ok. Ouais, je peux. Oui, c'est la surprise. Mais tu sais, moi, avoir je une hygiène avec les couilles quoi. On y revient. Ah bah moi, pardon. J'ai pas les genoux qui cognent, mais j'ai les malléoles qui se cognent. Ce qui fait que c'est quoi les malléoles, pardon, c'est l'intérieur des l'os un peu rond sur le côté du pied. Là. D'accord. Ouais. Ah oui. Et en pas. Fait, pendant ah, des oui. années, j'ai eu. Ça me. Je suis désolée, c'est dégueulasse. J'ai eu de la corne aux malléoles. Okay. Et en fait, je râpais avec une petite trappe c'est à talons. Dégueulasse du tout. Non, mais c'est pas. T'as fait. Donc a priori, si. Non, c'est pas non plus une recette de cuisine. C'est un super condiment. Non, mais la râpe pour les cornes de salon. Je le faisais sur ma malléole et je sais pas, c'est pas ouf comme sensation en plus. Donc voilà, moi j'ai. C'est des zones qu'on n'aime pas toucher. Bah ouais, non, c'est clair. Trop. Ça mais, me rappelle voilà. une vidéo que j'ai vue hier de quelqu'un qui avait une boîte de peau morte et elle montrait ses yep en disant à chaque fois que je me coupe des peaux mortes et tout et j'ai jamais vu des pieds. Pourquoi c'était horrible vraiment son pied c'était juste de la corne. Ouais. Elle garde ses peaux mortes. Ouais, j'avoue que j'ai pas regardé. Cela en entier, dit et vous infâme. Inquiétez pas, je garde mes chaussettes. Mes pieds sont assez atroces. Moi je cours tous les jours et j'ai des pieds ouais. très le humble brag là. Oh, très peu. Moi, je cours attends, tous quoi les jours. On vient de dire que mes cuisses se frottent, tout va bien, tu vois. Ouais. Mais j'ai des pieds vraiment très cornés aussi, moi. Ah, t'as des beaucoup. Pieds très cornés. C'est... Mais pourquoi tu la fais pas enlever, par exemple? Alors, j'y viens. Je l'ai fait plusieurs fois, ça revient à une vitesse. Ouais, je suis d'accord. Et il y a eu un peu un je laisse tomber de mon est-ce côté. Est-ce que plus t'enlèves et plus ça stimule la production aussi? Ah, j'ai. Ouais, je crois un c'est petit peu. Comment elle en produit des peaux entières, la meuf? Je sais pas, ouais. Déjà entière. C'est vraiment... bah en vrai, oui, c'est logique, ouais. quoi. Parce que la corne, elle se forme comme un moyen de protection. Donc, si ouais. tu l'enlèves, elle se reconstruit, quoi. C'est ça, mais après, je pense qu'il y a des trucs, des soins que tu peux mettre et tout. Mais après, ça coûte une fortune. Mais non, tu peux acheter les chaussettes crémeuses, là. Je ne pourrais pas faire. Ah, les chaussettes crémeuses, ça me débête. Quoi je pourrais pas faire de pédicure pour cette raison, tu vois. Je mettrais un coup de pied dans la tête de la meuf, ça serait terrible. Et les petits poissons? Ah, petits poissons! Qui viennent te manger les ça petits poissons. Ouais, faut arrêter ça. Ça, c'est fou. Ça, moi, président, c'est fini, les petits poissons. Je vous le dis. Oui, d'ailleurs, on peut le dire, tu te présentes à la prochaine élection présidentielle. C'est le moment d'en parler. Donc, en tout cas, ce n'est pas tout ça, ce ne sont pas les mots qui touchent les oui. fans de Taylor Swift. Ah, c'est ça que vous voulez dire. Donc, c'est pas de la corne au pied. C'est pas de la corne au pied. C'est ça qu'on voulait dire. C'est une phobie, quelle qu'elle soit. Alors, c'est pas une phobie. C'est vraiment un. BFM TV appelle ça un étrange phénomène. Est-ce qu'elles s'évanouissent? Elles ne s'évanouissent pas. Ça a un rapport avec le sommeil? Ce n'est pas lié au sommeil. Est-ce que c'est une amnésie? Ce n'est pas une amnésie. Putain, mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit? C'est quoi visuel. Oh putain, c'est complètement une amnésie. Okay. Excuse-moi, pardon, je disais le truc à temps. Ils ont blackout le concert. Voilà, il y a des vrais. Ouais, bon, si je devais décrire ma sensation, je dirais que le concert ne s'est pas encore produit. Je suis incapable de me rappeler la couleur des tenues qu'elle a portées, wow. par exemple. Mm-hmm. Par contre, je me souviens très bien de chaque détail du chemin du retour de mon hôtel. Une expérience hors du corps. Bien c'est sûr. Bien, c'est mieux ouais. que l'inverse, quoi. Le concert était super, par contre, je sais pas comment je suis arrivé chez moi. Oui. En y repensant, je n'ai pas de souvenir particulier, c'est plutôt un souvenir global de l'événement. J'ai eu l'impression de vivre une expérience hors du corps, comme si cela ne m'était pas vraiment arrivé. Mais oui. Pourtant, je sais que c'est arrivé, car mon compte en banque a été ponctionné de 950$. Ah, les gens. Bah, non, ça, c'est une blague. Non, c'est écrit. C'est toi qui as non, c'est elle qui a écrit. C'est... Le trop-plein d'excitation est vécu par le cerveau comme du stress, et ouais. cela impacte sa capacité à encoder les souvenirs. Notre mémoire est extrêmement sensible au stress, qu'il provienne d'une expérience ouais. positive ou négative, indique le psychiatre qui a rédigé sont, un article. Elles sont en PTSD après le oui, mais positif. Positif. Ah, ouais, mais ouais. Camille, t'as à dire quelque chose? J'allais dire que j'ai souvent blackout des expériences positives. Genre ah ouais le snowboard, je crois que ça me faisait trop d'émotions. Et à la fin de la journée, je me rappelais pas, tu vois. Ou les premières fois où j'ai fait du sexe. Ah oui, aussi, pareil. Ouais, je me rappelle. Ouais. Bon, mais ça, peut-être c'était le GHB, mais. Restons sur snowboard. Ouais. Mais toi, en plus, oui, t'as fait un tour du monde, enfin, tu voyages beaucoup. T'as beaucoup. Je voyage un peu. Et les premières fois sur scène aussi, blackout total. Ah ça, ouais. je peux comprendre. Mais ouais. c'est, du coup, c'est pas tant. C'était positif les premières fois sur scène ou c'était mais un je sais peu... plus. Ouais, ok. C'est ça le problème. Ouais, non, mais trop de stress, vu, ouais. ouais. Oui, mais ça, je peux imaginer. Trop de stress, ouais. court-circuit. Pop. Incroyable. Mais cela dit, c'est dingue l'effet. Que fait Taylor Swift sur les gens? Ouais. Moi, je me suis. Ouais. Moi, c'est je me suis tous peu... les épisodes du Floodcast que je blackout parce qu'à chaque fois, oui. on me dit. Eh, tu sais, quand t'avais dit ça, je fais. Aucune idée de ce dont tu parles. Mais moi j'ai fait des petites recherches sur, enfin, je me suis un peu passionné pour Taylor Swift pour comprendre un peu le phénomène. Passionné peut-être est un bien grand mot. J'ai fait deux vidéos, deux petites vidéos YouTube. Non, et vraiment c'est, non mais c'est assez fascinant. En fait, tu comprends la fascination des gens. Il y a un parcours, il y a des combats personnels de la meuf avec des ex et en même temps comme contre tout le monde. Oui, comme tout le monde, mais le mais là elle en fait des chansons, tu vois. Oui, mais bon. Le storytelling est assez chouette. Il y a un truc même elle réédite ses propres albums elle-même parce que sa maison de disques avait récupéré les trucs. Vous, il y a un artiste dont vous étiez jeune et peut-être toujours très fan. Où vous auriez vraiment, je dis pas, allons dans le cliché des posters dans la chambre ou des choses comme ça. Ah ouais, ouais, moi j'ai eu les posters. Nirvana. Ah ouais. Ils étaient morts déjà, donc. Ah ouais. C'était, je pouvais pas les idolâtrer autant que je voulais, quoi. Oui, parce que, parce que du coup, ils étaient un peu parfaits, tu vois. Quand ils, une fois qu'ils sont morts, il y a un truc. T'as la trentaine, c'est ça? T'as à peu près 30? Ouais, 35. C'est ça, donc oui, bah c'est comme moi. C'est, on a, moi j'ai écouté beaucoup de groupes qui étaient, en vrai, jouaient plus trop. Ah là, ils jouaient plus du tout. Ouais, là, ils ont vraiment arrêté. Là, on n'attendait pas le nouvel album, quoi. Kalindi, toi, c'était qui? Moi, Thom Yorke et Lolita, là. Alizé. Ça fait des maracas. Ouais, un grand très écart, éclectique, ouais. Finalement. Mais moi, je suis très peu fan, en fait, dans la vie. J'ai lu d'ailleurs un article qui disait que les gens pas fans étaient plus intelligents que les gens fans. Désolée. Oh là là. Ben, ça, les articles, les gens comme ça sont plus intelligents, ça Non, en vrai, j'ai jamais été trop fan de gens, à part Thom Yorke, j'ai une très. Ça n'a jamais cessé d'ailleurs. Ouais. Alizé, ça a cessé quand même au bout d'un moment. Comme elle, en vrai, elle a un peu cessé aussi non, la carte. Non, Dura, elle a fait danser avec les stars il y a 3 ans. Pardon. Oui, mais c'est plus des chansons, enfin, mais oui, c'est... N'insulte pas danse avec les stars, Adrien. Moi, je vais devenir une star juste pour faire danser avec les stars. Ah ouais? C'est vraiment mon objectif. Moi, j'avais ça avec les enfoirés à une époque. Je me dis, un jour, si je suis connu, j'aimerais. Mais je te découvre. Tu voulais faire les enfoirés? Non, mais il y avait, je sais plus, tu voulais je sais qu'il y a une télé époque, avec Anne Folie. C'était à l'époque, c'était super. Il y avait Muriel Robin. Non, mais je comprends parce que moi j'ai ça avec les grosses têtes. En vrai, mes idoles, c'est un peu Bénichou, Isabelle Mergo, enfin c'est terrible. Moi j'ai toujours eu 140 ans, mais en vrai, j'ai jamais été trop fan. Donc j'avais Thom Yorke, Alizé, et sinon j'étais fan de dauphins, quoi, principalement. Donc j'avais vraiment tu voulais être un dauphin. Et j'ai très longtemps voulu être un dauphin. Sur ma quatrième de couve de mon bouquin, il y a Kalindi voulait d'abord être dauphin. Ah, c'est vrai? C'est vrai. Bah, t'as même pas lu la quatrième, en fait. Je l'ai lu et je me suis dit, oui, c'est une vanne. Je ne savais pas que tu voulais vraiment être. Ah non! Je me suis entraînée à faire le cri du dauphin. Bon, aujourd'hui, je le fais, je le maîtrise plus. Tu non, vois. Puis là, t'es en gueule d'œuf, on va pas te le demander. Voilà, merci. Bah, franchement, c'est super sympa. Je pensais que vous l'auriez fait, mais cool. Non, on est cool. Mais j'étais vraiment très, très fan de dauphins et j'avais des petites figurines en cristal de milliers de dauphins, des dauphins avec d'autres dauphins. En cristal du meilleur. En faux cristal. Non, je t'as, peux t'as jamais été fan, quoi. T'as jamais été fan à part un animal. Bah, je te dis, Thom Yorke, dénigre pas. Les flippers. Et Thom Yorke, je l'aimais très fort. J'aimais aussi beaucoup sa coupe de cheveux. Enfin, il y avait tout un ensemble, quoi. Donc t'étais fan vraiment. Il a des tout petits yeux. Vous avez dormi devant les concerts et tout, enfin fait la queue des heures pour arriver premier. Non mais moi, pareil. Pas fan du tout de... Très intelligent. Extrêmement gros cerveau. Brillant. Bah un génie. On peut dire, on peut dire un zèbre. Moi j'ai fait matinée. Je suis arrivé genre le matin pour un concert du soir. J'ai c'était pour qui? Metallica. Mais ça jamais de la vie. Ouais mais c'était pour être sur les barrières. C'était pour être tout devant. Parce que les concerts de métal en fait c'est un peu relou parce que si t'es pas premier rang. T'as juste des bordels pendant 30 mètres et après t'es tout derrière. Enfin, tu vois, moi je voulais pas me faire des pogos, des trucs comme ça. Donc je vais être contre les. Parce que je suis un mec balèze. Cool. Un mec cool. Et donc voilà. Donc ça, j'ai fait le matin. Et Eric Clapton aussi, parce que je suis un ringard. Ah ouais. Là, il y a pas longtemps aussi. Ah si, il y a longtemps. Okay. Mais je suis en train de lire un livre sur Eric Clapton, figure-toi, qui s'appelle. J'ai oublié. Le. Tears in Heaven. Voilà, je sais plus quoi. Ouais. Non, ça s'appelle. Je sais plus. Bon, c'est Jérôme Attal qui vient d'écrire ça. Parce qu'en fait, il est sorti avec la même meuf que. Nicolas George Harrison. Oui. Carla Bruni. Ah bon, ils sont sortis ensemble. J'adore les potins. Bah oui, mais non, mais tu savais que ça, il avait volé sa meuf à George Harrison. Bah ça, je savais pas. Et donc, je suis en train de lire le récit de leur triangle amoureux. Parce que j'aime beaucoup Clapton. Mais une meuf qui est chanteuse ou pas du tout? Non, une mannequin était... de l'époque. Ah, ok, d'accord. Ouais. Parce qu'il était avec une chanteuse aussi, j'oublie son nom. Oh, mais il a eu mille vies. Il a eu mille vies. Non, mais j'adore Clapton. Et là, de découvrir un petit peu son enfance et tout, enfin, je l'aime encore plus. Il a vraiment l'air super, quoi. Il est pas toujours super. Ah, merde. Il a vieilli. Il était très anti-vax et des trucs comme ça. Ah, merde. C'est les problèmes des gens. Tu vois, Kurt Cobain, je pense qu'il est mort et c'était bien. Mais du oui, coup, mais il y a ça, pas eu le moment où il a dit, elle est woke là. C'est tu crois qu'il aurait été anti-vax? C'est bien de mourir jeune. T'imagines? Non, mais moi, je suis très peu concert aussi, tu vois. Il y a un concert que je rate jamais et là, il repasse le 3 août. C'est AC/DC. J'en ai fait 4. Ça, t'es fan, dis-le. Ouais, pas fan absolu, mais tu genre 4 concerts du même groupe. Avec les petites cornes quand même. Ouais, j'achète les cornes à chaque fois. J'arrive 3 heures avant pour me mettre une caisse. BTS. Bon, Kelly, je suis complètement fan. Tu es une femme, ouais, fan. Je suis avec tous les vieux et tout. Ah, j'adore, oui, ça. Ça. Ah, j'adore. Et ah, puis les concerts d'ACDC, tu sais, donc c'est toujours au Stade de France. Et c'est toujours un peu tard pour que le soleil se couche et que d'un coup on allume tous nos cornes. Et là, on est là, on est ravis. Là. Non, putain, ça, c'est une expérience. Moi, je les ai jamais vus et j'ai trop peur que ce soit trop tard, que là, il soit vraiment un peu vieux quand même. Non, Angus, il continue à jouer de la gratte avec sa langue. Non, je t'assure. Ah ouais, ouais, non, je te jure. Ouais. Ah, ok. Là, j'ai eu la flemme parce que c'est pendant les JO, c'est juste après les JO. Mais... Non, c'est le 3 août. 3 août. C'est pendant les JO. Pendant les JO, ouais. Je sais même pas quand c'est les JO, en fait. Donc, c'est du 25 au 12 à peu près, je crois. Je sais pas. Okay. Mais ouais. Okay. Et donc, toi, 4 ACDC. 4, ouais. Ouais. Bah ouais, j'adore ça. J'adore l'ambiance, j'adore les gars là, avec plein de cheveux, je sais pas. Sueur. Non, mais là, c'est cette voix que tu prends. C'est mon côté grosse tête, tu vois. Quel objet culte de la 5ème République a été vendu aux enchères 25 000 euros? Alors attends, un objet culte de la 5... Donc ça appartenait à un président? Ça a appartenu à un président. Un stylo plume. C'est pas un stylo. Avec lequel on a rédigé un traité. Non, c'est pas un stylo. Ah, c'est beaucoup moins stylé que ça. Attends, en trouvant le président, on va déjà. Mitterrand. Alors, si vous trouvez le président, vous. Giscard. Non. Mitterrand, Chirac. Non, pas Chirac. Et bien, le président, on trouve l'objet. Exactement, pas Sarko. Attends, t'as dit quoi? Si on trouve le. Ah, petit indice. Ah, donc c'est un président qui est resté deux jours, genre. Ah non, non, non. Ah non, il est resté. Non, il est resté. Il a fait son quinquennat ou son septennat ou. Pas Pompidou. Giscard d'Estaing. Le scooter de Hollande. Ah, Hollande. Oh, le casque de moto. Le scooter entier de Hollande. Waouh. Le célèbre scooter où il était allé voir. Il lui avait servi pour faire ses escapades amoureuses quand il était à l'Élysée. Attends, c'est lui qui l'a vendu du coup? Je sais. Sur le bon coin. Bah, je sais pas qui a ce scooter. Alors, c'est fou parce que l'article ne le dit pas vraiment qui a vendu parce ce que truc. C'est, ouais. Le scooter iconique de François Hollande a été vendu aux enchères ce dimanche 26 mai pour la somme de 25 000 euros frais compris. Ah, en vrai, oui, 25 000, je sais pas, tant, je m'attendais à plus. Oh, si, quand même. Attends, 25 000 euros pour un scooter, ouais. Adrien, s'il te plaît. Bien sûr, mais... il est coté 1300 euros à l'Argus. Hein. Donc, oui, c'est pour bien sûr. Dire. Mais... Attends, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai rien compris à cette phrase. Genre. J'ai rien non plus. Je te dis juste que normalement, à l'Argus, je crois que c'est la cote qui dit. C'est le mot Argus que t'as pas ouais, compris. Ouais, j'ai pas compris, pardon. Argus, c'est le truc qui dit, en gros, c'est ça vaut ça, quoi. Ouais, c'est une base de données qui dit, tel modèle, ça vaut à peu près ça, quoi. Pour les voitures. Pour les voitures, pour les. Ah, c'est pour ça que je connais pas. Ok, voilà. Autant pour moi. On aurait pu lui faire croire des trucs. C'est dommage. Je veux dire, t'es plus Angus que les Argus. Objets. Ouais. Il y a eu un télescopage. La vente de ce scooter emblématique a suscité une grande curiosité dans la presse française et internationale en raison de son histoire particulière de la présidence de François Hollande, a déclaré Aymeric Rouillac, commissaire priseur de la maison Rouillac. Bien sûr. Ce 3 roues Piaggio MP3 gris 125 cm. T'as vraiment dit Piaggio. Vieux de 14 ans, 34 000 km au compteur. Pas mal, cela dit. Avait permis à François Hollande de se déplacer discrètement au domicile de sa maîtresse de l'époque, Julie Gayet. Discrètement, c'est la discrétion la moins discrète de l'histoire. On en parle encore aujourd'hui. Ce scooter quoi. A quitté le parc de véhicules de l'Élysée fin 2015, vendu aux enchères par les domaines. Voilà, en fait, ça fait partie de l'Élysée, c'était un véhicule de fonction. En c'est fait. Ça, exactement. Ah bon, attends, tu veux dire que la moto, c'est un véhicule de fonction? Apparemment, son propriétaire actuel, ça avait été récupéré par un propriétaire qui s'appelle Patrick Siono, un septuagénaire du Loir-et-Cher, qui avait raconté au Monde en juin 2003 avoir acheté l'engin à un ami. En fait, on sait pas le chemin du scooter. Ah, quoi. Donc c'est pas là, il est pas vendu aux enchères directement par l'Élysée. Non, là. Il s'est un peu baladé. C'est sorti ce et tout. Ah. Okay. J'adorerais qu'Élysée fasse ça. Là. Ouais. Qui le veut? Est-ce que vous savez qui est la française Louise Hena Taboulet? Eh oui, ça fait rire. Mais alors, le nom de famille donne rien par rapport à ce qu'on cherche. Est-ce que c'est une candidate RN? Non. C'est une artiste. Non, c'est une sportive aquatique. C'est une sportive. Pas aquatique. C'est une sportive. C'est une sportive. Elle a battu un record? Pas de record. Elle joue aux Jeux Olympiques. Alors, quelque elle joue chose. Aux Jeux Olympiques. C'est une un sport saugrenu. Alors, non. Olympique ou paralympique? Non, olympique. Ok. Elle est française, ça je peux vous le dire. Et elle est championne de France de skateboard. Voilà, ça je peux vous le dire. Ah, mais donc on cherche pas son métier. On cherche la particularité de cette femme. Cette jeune femme qui va concourir au JO. Exactement. Elle a une sœur siamoise. Non. Sur le skateboard, c'est très relou. Mais ça a un rapport direct avec le skateboard, sa spécificité. Non. Okay. Non. Elle est très jeune. Très elle vieille. Est mormone. Elle a 14 ans. Elle a. Putain, c'est fou, c'est l'âge pile. C'est okay. La plus jeune. Elle a 14 ans. Wow. Voilà, c'est la plus jeune athlète française. Mais je pensais même pas que. Il n'y a pas de minimum. C'est ça. Moi, je pensais qu'il fallait être majeur pour faire les JO. Non, regarde. Ah oui, on remarque, c'est pas du tout les JO. Non, mais genre en équipe de France, il y a un mec à 17 ans là. Ah bon? Oui. Équipe de France de football. Ouais, il passe le bac et en même temps il fait les Est-ce que c'est l'euro. Le fils de Lilian Thuram? Non. Merde, lui, je connais il est, que ça. Il est c'est la seule info foot que j'avais. À bientôt 15 ans, il est fait début juillet. L'Audoise a gagné son ticket olympique pour être de la partie Place de la Concorde. Vont se dérouler pardon, les épreuves des Jeux de Paris 2024 suivant un plan que cette collégienne en classe de 3e s'était fixé il y a 3 ans. Déjà, c'est fou. Attends, voilà, waouh. C'est que j'ai pas d'objectif moi dans ma vie. Elle a 11 ans, elle a dit je vais faire les JO dans 3 ans. Ok. Si je le fais pas, je suis une ratée. Je suis une merde. Et elle l'a fait. À l'époque, elle avait trahi sa routine nocturne et fait une nuit blanche pour ne rien louper des épreuves du parc femme, du skate park femme. À la télé, elle regardait Madeleine Lacheron, rider dans la capitale japonaise. Aujourd'hui, les rôles s'inversent. Voilà, elle va concourir en tant que skate girl. Enfin, les rôles s'inversent. Bah, on peut l'applaudir si quand même. C'est vachement bien. C'est une skate girl comme disait Avril Lavigne et on peut l'embrasser. Je pense qu'elle slay. Moi, j'ai envie de dire. C'est un slay très. Je pense que c'est vrai, Adrien. Ouais, moi je pense que je vais lui mettre une couronne parce que c'est une queen à mes yeux. Donc Slateboard. Je sais pas. Ah oh, non, ça marche. Je sais pas. Moi c'est ok. Non, mais pour bon. Vous faisiez quoi vous à 14 ans? Oh là là là. C'était quoi je draguais les skateurs. Ah ouais. Ouais, je me mettais au bord du skatepark. J'avais la tenue, tu vois, pour un peu me fondre. J'avais acheté les baguilles. Bien sûr. Et voilà, c'est ça que je faisais. J'avais très peu d'ambition. Est-ce que tu fumais des clopes? Ouais, ça commençait là. Ah ouais, ça commençait, bien sûr. Ce qui me confère ce grain. Annie Girardesque. Ouais. Non, mais je vois tout à fait. Mais tu faisais pas du tout skateboard, on est d'accord? Pas du tout. Loin de moi, la roulette. Non. T'étais où? T'as grandi où, Camille? J'ai grandi en Ardèche. D'accord, bien sûr. Donc, le skatepark. L'ennui, beaucoup d'ennui, j'imagine. C'était un peu tout ce qu'on nous propose. Ouais. Quoi, c'est ça. Les pommes. Tu traînais soit. Formément de pommes et d'abricots. Non, mais moi, l'Ardèche, je vois aussi quand même un peu de fleuve, un peu de cascade, de trucs comme ça. On a du fleuve, on a de la cascade, on a de la gorge. Oui, voilà, la gorge. Le canoë, tout ça. Ouais. Vous avez fait un peu ça à deux ou pas du tout? Ouais, alors les gorges, c'était pas dans mon coin, mais ouais, on traînait à la cascade. T'étais où en Ardèche? Dans le nord, plutôt vers Valence. D'accord. Non, mais parce que tu sais, t'as toujours ce truc quand tu vois une région. Par exemple, moi je grandis en Bourgogne, mais en vrai j'ai traîné dans les zones commerçantes, les skateparks de merde, mais les stades. C'était ma question. Oui, voilà, le c'est centre ça. Commercial, c'est ça. Victor Hugo à Valence, énorme dédicace. On les embrasse, bien sûr. Tout le lycée Jules Ferry, évidemment. Ouais, on a eu Zara très tard, nous. Bah, j'ai eu cache-cache, mais je pense que c'est le max qu'on a pu espérer. C'est partout. Ouais, mais c'est ça, dans c'est tous ça. Les bleds Camailleux, de France, c'est un cache-cache. Un Camailleux grand max. Et un Thierry Armand, quoi. Et Thierry Armand, évidemment. Cache-cache, je connais même pas. Je crois que ça existe même plus, je crois. Ah, cache-cache, si, j'en ai un, genre le retrou, je vais te dire. Donc, Vais te dire. Voilà, mon vieux. Kalindi, toi, ça ressemblait à quoi ta jeunesse à 14 ans? Je réfléchis en même temps. Écoute, à 14 ans, je crois que c'est l'âge où j'ai fait mon premier color pulse déjà. Ah, c'est quoi? C'était les couleurs que tu faisais en fait, et ça partait en genre 10 shampoings. Et j'avais choisi violet. Et j'avais un appareil dentaire où, quand c'était Halloween, je m'étais fait mettre des petits élastiques orange, noir et tout. Donc j'étais comme ça, déjà j'étais au max, j'étais très stylée. Et puis j'enregistrais des CD. À l'époque, il y avait chez les magasiniers des espèces de livres de partitions avec un CD gratuit collé dessus et tu pouvais enregistrer des trucs. Okay. Et j'enregistrais des albums avec ma copine Louise-Anne Roy que j'embrasse. Et on avait enregistré l'album Je vivais au fin fond du désert qui était notre album phare, quoi. Parce qu'on voulait l'envoyer à Popstar. Et en fait, on a. Ou La Nouvelle Star, je sais plus. Mais en tout cas, on voulait l'envoyer, on l'a jamais fait. Et voilà. Dommage. Oh là là, ouais, dommage, ouais. Carrière, ma carrière de chanteuse. À la Louise-Anne Taboulet qui se préparait peut-être à être une star dès 14 piges. Il est jamais trop tard. Hein. Et donc, plutôt quel genre de musical? 14 ans, full Avril Lavigne quand même, oui. Je crois. Non, mais là, le CD par exemple, c'était plus rock. C'était un peu balade. Ah, ok. Tu vois, mais balade un peu punk, ça faisait Je vivais au fin fond du désert. Je vivais au fin. T'écoutais Mat Mata un peu? Un peu ambiance? Ah, ouais, non, moi non, j'ai non, vu au concert ça. Ouais, mais moi je voyais ça quand elle chante comme ça, je vois. Mais je sais pas à quoi ça appartient Java, stylistiquement, les Fatal tu Picard, vois. La rue qui est à nous, tu vois, je vois un peu cette ambiance. Ça, je faisais ça à cet âge-là en concert. On a eu plus ou moins la même enfance. J'étais sataniste aussi, 6 mois. Ouais. Alors ça c'est sympa. Mais ça n'a pas duré très longtemps, tu vois. Mais ça t'a intéressé? Ouais, ça m'a passionné même. Ah ouais, mais ouais. Pas que le look, le. Mais ça, oui, si ça consistait beaucoup à porter un pentacle, hein. Ça. Écoutez, t'as égorgé aucune poule, c'était ma question. Non, j'ai égorgé aucune. T'as pas lu la Bible satanique, par exemple? Ouais. Non, j'avais imprimé les règles du satanisme que j'avais trouvé sur internet. Ah ouais. Et qui étaient des principes moraux comme ça. Je portais un pentacle, j'écoutais Marilyn Manson. Voilà. Bien ça sûr. A pas duré très longtemps. Et tu faisais tourner cette fameuse rumeur. Il écrase des poussins sur scène. Il les tronçonne. C'était ça, la vache. Moi, j'avais dit qu'il tronçonnait une vache, moi. Ah, la vache. Oui, okay. Parce que tronçonner des poussins, ça va un peu overkill, peut-être, pour des poussins. Ou alors il a une toute petite tronçonneuse et du coup c'est presque un peu mignon. Un peu mignon, Marine Manson. La maltraitance animale un peu mignonne. Et effectivement, il s'est enlevé de côte. Paraît-il. Pour s'autosucer. Voilà, la rumeur aussi. La fameuse rumeur. La légende. Eh oui, oui, oui. On connaît des gens qui savent s'autosucer. Ah ouais, c'est des rumeurs. Non, on a quelqu'un qui a écrit un article sur Mademoiselle à l'époque sur un mec qui s'autosuçait. Je dirais pas qui c'était, mais c'était quelqu'un qu'on connaissait très bien. Enfin, il a mais... une grosse bite ou ça rentrait pas en compte. Ça, il l'a pas écrit. Il le dit pas dans l'article. Non, non. Mais il est hyper cet article. Il est hyper net. Donnez pas des espoirs si c'est avec faut une bite normale. Faut payer 2 euros j'imagine pour cet article. Sinon on voit 10%. Non, ça m'énerve. Ils doivent très mal s'autosucer. Moi c'est ça surtout. Bah ça dépend. Mais pourquoi je comprends pas. Je les imagine. En fait si tu t'autosuces parce que là tu te visualises toi à quelle exactement distance t'es. Ouais te dis, évidemment mais là ouais, ils ont je pense pas blanc, qu'ils font des très belles fellations. Il est hyper lax. Merci d'avoir mimé en fait. Non je précise, Florent est assis. Florent est à poil. Il a les jambes contre le mur. Il a les jambes contre le mur et relève la tête. Regardez. Si comme ça. Allez c'est bon, c'est toi. En gros parce que dans ma tête tu peux pas, même si t'es très souple, tu peux pas faire toute la distance. Ah, parce que toi, tu veux te deep throat quoi. Ouais, non, pas deep throat. Non. Attendez, excusez-moi, il y a d'autres. Non, tu veux t'appuyer sur la dope. Comment hurler t'aimes ça pendant que tu te fais, je comprends pas. Non, mais enfin bon, bref, pour moi, ça ne peut pas être bien fait. Ça ne peut pas être bien fait selon moi. Donc, je vois pas l'intérêt. C'est ça, je vois pas. Ça m'a jamais. Je vois pas l'intérêt. Excusez-moi, hein. Adrien. Tu t'es comment toi à 14 ans? Bah moi je rageais contre les skateurs qui avaient toutes les faveurs des filles. Toi tu pratiquais quel sport extrême? Sport non moi le basket. Le basket. De toute façon les posters dans ma chambre c'était le basket. Ah oui. On m'a pas posé la question non plus, mais du coup je réponds maintenant. Non moi c'était basket et je jouais au basket et je vivotais quoi. Comme mais aujourd'hui. C'est marrant parce que pour moi les skateurs étaient pas vraiment les gars qui chopaient les zouzes. Mais dans quel endroit t'as grandi genre? Moi, c'était plutôt les sportifs, c'était plutôt les footeurs, c'était plutôt les basketeurs. Ah oui, mais c'est la Bourgogne. C'était plutôt les basketeurs. Vous étiez en retard. T'es né aux États-Unis? Je suis né dans le Wisconsin. Bah, c'est le quarterback de l'équipe quoi. Non, les footeurs beaucoup moins. Mais n'importe quoi. Non, mais. Ah ouais? Alors chez nous à Levallois, c'était les skateurs quoi. Genre les footeurs, ils avaient pas de meufs. Mais il y avait pas de footeux quoi. Ah mais non mais déjà, excusez-moi. Ah mais moi j'étais en L, peut-être je les ai jamais vus en fait. Mais attends, c'est Levallois, c'était ouais, Balkany. C'est autre chose. Et ça y est, tu vois tout de suite, tu es catégorisé. Pardon. Non mais nous c'était les footeux. Non mais les skateurs beaux oui devaient choper. Non, c'était même ça. Les mais ça n'a rien à voir avec le physique le skate. C'est une attitude. Non, j'ai un petit collégien au fond de moi qui va vous dire si le physique joue. Mais t'en avais pas des skateurs, qu'est-ce que t'en sais? Mais si j'en avais, mais moi j'étais, enfin je traînais avec les skateurs. Moi j'avais le baggy, j'écoutais Monson et j'avais les chaussures. Skateurs ou juste de gens qui avaient des vannes à carreaux? Alors, non, moi j'étais le gars qui avait juste les vannes à carreaux. Ah, mais bah je traînais avec les vrais skateurs et ils péchoaient pas spécialement plus. Péchoaient. Péchoaient, c'est le vrai terme. Ouais, ouais. Ça se conjugue, ouais. Mais non, mais si, quand même. Ah si. Ouais? Bah, si, quand même. Ah, c'est rigolo. Mais bon, après, je sais pas, c'est un truc de sans doute. Après, moi c'était 10 ans avant aussi. Oui. Mais cela dit, vous, c'était moi, à la même perso, peur. Moi il était moche, hein. Mais, mais quand même. Mais ouais. Ça suffisait qu'il fasse du skate, tu vois. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Non, mais peut-être qu'il suffisait de faire du skate. Moi j'avais le look skater, mais je faisais pas de skate. C'était juste ça qu'à jouer. Du coup, j'ai essayé de faire du skate, mais pendant 2 jours, je crois. Puis j'ai dit non. T'en as pas fait récemment? T'avais pas essayé un peu plus récemment, il y a quelques années? Pas mais... pour ces raisons-là. Je trouve, parce que j'aime bien essayer des trucs. Si, quand tu remettais des baguilles et des chaussures à carreaux. Est-ce que tu mettais ton chien sur ton skate ou pas? Non. Oh là là. Non, je l'avais pas encore en plus. Ah ouais, ok. C'était quand même il y a quelques années. Mais non, mais j'avais acheté un cruiser, quoi. C'est les skates pour pas pour faire des ollies et tout, juste pour se balader. Et j'avais essayé un peu de me déplacer avec et je m'étais cassé la gueule comme une merde. Après, j'ai dit oh, peut-être pas. Ouais. Moi, je suis pas très persévérant. Moi, j'apprécie tout ce qui aime la glisse, quoi. Ah oui, c'est moi, ça. Moi, les hommes qui aiment les sensations, je trouve ça fun, quoi. Donc, bah, écoute, pas... Et moi, je suis sortie longtemps avec un skater pro aussi, c'est peut-être pour ça. Ah, oh, mon Chris. Chris. C'était Hélas avec Chris. Il a porté la flamme olympique, pardon. Il s'appelait Christian. T'es Christian, du coup. Mais t'es Christian. Mais ça se prononçait Christian parce que c'était un Allemand. Évidemment. Et il avait le cou de côté, en fait, un peu crooked. Comme ça. Attends, parce pardon. C'était ouais, le cou. Ah, ouais. Le cou. Le parce que t'as fait ça, j'ai cru que tu disais le coude. Non, il était comme le ça. Le cou un peu de côté parce qu'il s'était pris une rambarde en faisant je sais pas quoi sur une rambarde. Ça, quoi. Ouais, j'imagine. Et, et voilà, c'était pété un truc grave et donc il était toujours un peu de côté. Donc il était cute tout le temps. Il était un peu cute. Kawaii, tu vois. Et à chaque fois tu dis, mais tu comprends pas ce que je te dis ou quoi? Ah, si, mais c'est... Ouais, en fait, il se baladait en affiche de stand-up pas ouf. Mais du coup, est-ce qu'il y moi, avait un côté un peu m'exciter, quoi. Ouais, voilà. Ah tu oui. T'as répondu à ma question. Mais tout ce qui c'est un peu comme une cicatrice, glisse, quoi. Non mais ah non, moi je parlais du coup tordu. Ah, est-ce qu'il y avait un côté un peu comme une cicatrice, un peu badass ou... Non, mais attends, faut que je vous raconte une histoire. Mais dis donc, je suis sortie avec tellement de gens intéressants. Mon ex Guillaume, que j'aime plus que tout, il s'appelle Guillaume. Je peux dire son nom de famille. Il s'appelle Guillaume Courtial. Pas plus courtier que ton mec actuel, quand même. Peut-être. Franchement, ça se vaut. Et donc, il s'appelle Guillaume Courtial et il est courtier. Déjà, c'est exceptionnel. Génial. Ça, j'adore. Déjà. Et en fait, lui, un jour, il est au Pérou et en fait il escalade une espèce de montagne avec un pote, ils prennent pas un guide, ça ne va pas, je sais pas quoi, et en fait la nuit va tomber, ils sont perdus et il dit à son pote va au refuge, je te rejoins, je sais plus quoi Jean-Claude et là et là il tombe d'une falaise de 20 mètres de haut. Oh. Et en fait il tombe dans un ravin, il se casse le dos, les bras, etc. Et il est tout seul, personne ne sait qu'il est dans ce ravin. Il reste 24 heures dans ce ravin. Il essaye de ramper jusqu'à une rivière pour essayer d'aller ailleurs où il y aurait des humains. Et en fait, il se prend une pierre dans la gueule. Il retombe dans les pommes. Il essaye de se suicider. C'est vrai, hein, avec une pierre. Mais la pierre est trop lisse. Il n'arrive pas à s'ouvrir les veines parce qu'il se dit non. Si, ça devient ridicule. Pardon. si je peux me permettre. La vie de ma mère, Adrien. Et qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'il a été sauvé? C'est que en fait, donc son téléphone marchait un tout petit peu. Il lui restait un tout petit peu de batterie. Et en fait, il essaie d'appeler ses parents ne répondent pas, c'est la nuit en France. Et il se dit, putain, hier, j'ai match avec une zouze sur Tinder. C'est peut-être mon seul contact au Pérou. Et donc, il lui écrit, meuf, je suis dans un ravin. La dernière fois que j'ai traversé un truc, c'était ça à peu près. Et c'est elle qui a prévenu les secours. Et il a été sauvé par son match Tinder. Alors, écoute, Kalindi, je te présente Adrien Méniel. Toute ma vie, quand je raconte des histoires zarbi qui m'arrivent, les gens me croient pas. Et, et c'est terrible. Et je vois quand t'écris une histoire pour écrire un roman ou un scénario ou quoi, parfois il faut un peu baisser ce qui est arrivé dans la réalité pour que les gens puissent te croire. Ça, c'est vrai. Alors qu'en réalité, il arrive des choses zarbi tous les jours. Oui, c'est vrai. Et mon cher Guillaume n'est pas du genre à se la péter. À inventer une histoire parfaite pour pécho des meufs. Genre, écoute, j'avais matché avec une meuf. Parce que je suis trop beau. Tout son corps te le dira parce que c'est la cicatrice. T'as vu les cicatrices crois, et tout. Et ouais, et en fait, j'essaie de pousser à aller à Koh Lanta pour qu'il raconte cette histoire. À minima, chez Faustine Bollard. Enfin, en tout cas, il y a une vraie histoire à raconter. Il y a un vrai truc. Tu vois, je pensais que j'allais avoir plus de succès peut-être avec cette histoire. Ah non, mais il m'a lancé. J'étais obligé de jouer mon rôle, mais je te crois. Non, mais elle est, c'est une histoire incroyable. C'est je la raconterai dans un autre podcast où les gens seront plus enthousiastes. En Italie, un joueur de volley très connu dans sa discipline s'est rendu compte qu'il était victime d'une arnaque depuis 13 ans. À votre avis, quelle était cette arnaque ? Une arnaque amoureuse. Oui. Oh ! Ça a été très vite. Okay. Alors, donc il parlait avec une meuf depuis 13 ans sur Internet ? Et c'était ChatGPT qui faisait ça. Alors, c'est pas ChatGPT, mais je vais vous le donner. Il parlait avec une meuf et en fait, c'était un catfish. Exactement. Enfin, c'était sa copine à distance. Oui, mais... J'y viens, Adrien. Il lui donnait de l'oseille et tout, quoi, du coup ? Je vais te raconter toute l'histoire, Adrien. Ça se passe au Pérou, au fond d'un ravin. Non, c'est pas vrai. Pendant 13 ans, deux femmes ont escroqué un volleyeur italien, lui soutirant des centaines de milliers d'euros en se faisant passer pour une mannequin et en entretenant avec lui une relation à distance. Viens, on fait ça. Mais bien sûr. Ouais, les deux femmes seront jugées à partir du 9 juillet prochain devant le tribunal de Cagliari en Sardaigne. Ça reste un peu sympa quand ça se passe à Cagliari. Bah quand même, c'est que si je peux me permettre, on prononce pas le G en fait. Cagliari. L'une des deux accusées a créé de toutes pièces un personnage fictif, une mannequin brésilienne du nom de Maya Mancini, qui est devenue au fil du temps la petite amie du volleyeur. L'autre, pour les besoins des échanges avec le sportif, lui prêtait sa voix dans des conversations téléphoniques et sur les réseaux sociaux. Mais 13 ans. 13 ans. Pour rendre le tout plus crédible, les deux femmes. Il aime vraiment pas Ken, en tout cas. Ouais, apparemment. Mais elle était censée être au Brésil, c'est ça ? Je sais pas, je te dis toute l'histoire. Pour rendre le tout plus crédible, les deux femmes ont même envoyé des photos d'Alessandra Ambroso, une véritable mannequin, en faisant croire qu'il s'agissait. Ah, il a pas Google en plus, apparemment. Non. Pardon. À minima, il est crédule. Bon. À minima, il est un peu crédule. Non, mais bon. En confiance, le volleyeur. C'est pas de sa faute, on blâme pas la victime, jamais. Mais bien sûr. Le volleyeur n'y a vu que du feu et n'a pas tardé à se mettre en couple avec cette femme fictive durant la relation. Non, mais se mettre en couple de. Enfin, pardon. Bah oui, non, mais écoute. Lui écrire des mails, quoi. Il est en primaire. Et on est amoureux maintenant. Mais le pauvre, il était sûrement sous emprise. Moi, c'est, ça. C'est ça. Entre 2008 et 2021, Roberto a réalisé plus de 1400 virements. Je sais, tout le monde rigole. Roberto, hein, mais c'est une maladie, 1400 virements. 1400 virements, c'est beaucoup. Au 1200ème, tu te dis, il y a un problème quand même. J'aimerais bien qu'on se voit quand même. Il est sous curatelle depuis ou parce que vraiment, c'est non, des décisions. Écoute, visiblement, non. Hein, la domicile des normalement, deux c'est bizarre. Enfin, c'est fou quoi. Ou peut-être il est un peu. Il a le king des money slaves, tu vois. Il l'aimait. C'est ce que je pensais. Peut-être c'est ça. Ça peut être un truc comme ça. En tout cas, l'histoire ne le dit pas. Mais... comment il se rend compte que c'est une arnaque? C'est vrai que j'aurais aimé. Bah, te il redonner... tombe sur la vraie photo de la mannequin, ouais, peut-être un jour. Non, écoute, je saurais pas te dire. Mais c'est ma meuf. Il dit, oh, elle avait gâté le malheur. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Non, mais là, écoutez, l'histoire ne le dit pas. Je repasse terrible. Un peu l'article, mais non, l'histoire dommage, ne dit pas dommage. Comment on a trouvé que c'était. Une fausse identité. Mais c'est fou. Enfin, du coup, personne n'est épargné, quoi. Enfin, par ces arnaques, quoi. Même parce les voleurs, t'imagines ? Non, mais je sais pas. Tu te dis, il est un peu entouré, il est un peu au fait du, je sais pas. Oui, mais c'est du, la vie du monde, privée quoi, en tu même vois. Temps. C'est la vie privée. Oui, mais enfin, la vie. Enfin, tu. Ouais, ouais. Je mais dis, il est un peu au fait du monde, du fonctionnement. Je te jure, je regarde beaucoup de trucs sur les sectes et tout. Vraiment, faut bah ouais, pas ouais. trop se la raque, quoi, parce que ça tout le monde est tombé dans les pièges psychologiques. Vrai, ouais, oui, ouais. Ça, je sais. Même des gens très intelligents, quoi, peuvent se retrouver vulnérables à un moment. Non, mais ouais. Totalement. Puis c'est en plus, on s'est déjà fait avoir sur des trucs moins graves que ça, quoi. C'est sûr, clairement. Donc, ah ouais, vous êtes fait arnaquer plusieurs non, fois. Non, mais je moi j'ai failli me faire arnaquer. Ah ouais. Et en plus, c'était soi-disant pour un film de Franck Gastambide. Coïncidence. Bah, tu peux nous raconter, ça t'embête pas? J'ai reçu un mail une fois d'une école de cinéma, tu vois. Et donc ça émanait d'une source sûre. Et on m'envoie ce mail de casting. Vas-y, j'envoie mes petites photos, mes petites infos, tout ça. On me dit, bah super, vous êtes retenu. C'est bon, c'était pour faire de la figure, tu vois. Et en plus, finalement, vous n'allez pas faire de la figure, vous allez jouer un petit rôle de prisonnière. Ok, wow. C'était censé être pour. Comment il s'appelle ce film Medellin. De Gaston Bide ah Medellin. Ouais. Exactement. Ouais. Et donc, et puis après, ça se corse parce qu'ils disent donc. Que l'arnaque aurait été de jouer dedans. Genre, bizarre, mais... si je peux me permettre. Et donc, le système, c'est qu'ils te disent après, il faut t'assurer pour le tournage. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va t'envoyer un chèque que tu vas encaisser. Ah, et putain. Ensuite, tu vas faire un virement à soi-disant l'assurance. Tu oh vois. Là là. Et c'est là où tu t'es dit non, du coup. C'est là où je suis dit ouais. Pas trop. Alors, non, putain. Pas des masses. Oui, donc, oui. Ils t'envoient un chèque sans provision. Et toi, tu fais le virement avec tes sous à toi, quoi. Et comment tu as répondu à ça? Tu leur as dit, hey, je sais que vous êtes un hacker ou juste arrêter de parler? Ouais, non, j'avais envie un peu de leur dire, hey, vous... oh, on fait pas ça quand même. Ouais. Donc, parce qu'en plus, il devenait agressif sur la fin. Comme j'envoyais pas le chèque, il disait. Ça, il tenait plus son rôle, tu vois. Oui. Au début, par texto, il était sympa, poli et tout. Puis après, il était là, mettez le chèque comme nous vous avons dit. Et moi, j'étais là, non, je vais plutôt aller à la police. Après, il me disait, non, c'est moi qui vais aller à la police. Je dis, bah, vas-y alors. Ah ouais, putain. Tout nul. Non, mais hier, j'ai écouté un podcast qui s'appelle Onomatopée. Avec comme un paix, voilà. Ça ne s'arrête jamais. Ouais. Encore tous ces hommes par un mec qui font des podcasts. Bah, j'allais le dire, ce ne sont pas des hommes, c'est deux meufs qui ouais. Font. Donc, ça parle de paix ou assez, ça revient assez souvent sur le tapis, mais c'est pas le thème non plus du podcast. Donc deux filles qui s'appellent Lauranus et Alice Rage. Ah mais Lauranus, la bah, suit, voilà. On l'adore. Et bah elle a un podcast et justement j'ai écouté un épisode hier où elle raconte que elle a failli justement se faire avoir sur les arnaques aux formations là. CPF ouais exactement et genre elle dit ouais en fait quand t'es au téléphone avec le gars et tout mais tu, je comprends tu te pas fais c'est avoir, quoi l'arnaque même si t'es, bah ils te disent vous avez plein de points CPF c'est... alors en gros bah du coup je vais spoiler enfin je vais faire ah, court oui. Mais l'histoire mais c'est juste que elle cherchait du taf elle a répondu à une annonce et ils ont dit oui bah vous correspondez vous êtes embauché juste faut que vous fassiez une formation Excel okay. Et elle dit non mais je connais Excel je bosse là-dedans depuis des années ils font oui mais c'est obligé. Et après, il dit, on vous met en contact avec le centre de formation. Le centre de formation, c'est les mêmes gens. Et en fait, ils vendent... qui mettent une moustache. Et en fait, c'est une vraie formation CPF. Hein, c'est legit, quoi. Okay. Sauf que juste, c'est... Et du coup, elle a fait la formation. Enfin, en gros, elle a payé 1500 balles, je crois, avec son compte CPF, quoi. Pour faire cette formation qui servait à rien, qui était nulle à chier. Et après, elle s'est dit, putain, c'était une arnaque. Enfin, en gros, elle avait des doutes tout le long, mais elle s'est quand même fait avoir, quoi. Donc, ouais. C'est pour ça que, effectivement, on est. Moi, je l'avais raconté, mais moi, c'était, je m'étais fait avoir par les faux textos Amélie. Enfin, tu ah sais, mais oui, ouais. Tu t'es fait avoir, toi. Ouais, ça, je comprends. Moi, j'ai cliqué en mettant mon numéro. On m'appelle. Donc, ah, moi, ouais. J'ai pas mis mon compte en banque rien, mais j'ai mis mon téléphone, mon mail, tout. On m'appelle en me disant, vous êtes fait arnaquer. Ils sont dans votre compte en banque et en fait c'est ils font croire qu'ils sont la banque. Ils font croire qu'ils sont protéger. La banque et donc ils te disent pouvez me donner votre mail et machin. Et donc moi au début mais crédulman. Vraiment je dis oui bah ok je m'appelle Florent Bernard. Ok monsieur très bien machin. Et après ils font vraiment votre mail et votre le mot de passe pour accéder à votre compte en banque. Donc là je fais bah non là. là vous êtes allé un peu vite là, du coup là c'est évident que c'est une arnaque. Et vraiment, et elle me dit non pas du tout monsieur, en fait il faut, et elle essayait, elle le tenait quoi. Et j'ai un peu fait comme toi quoi, j'étais genre bah non, vous, madame, vous m'arnaquez. Vous êtes en train de m'arnaquer. Et je commence à partir en Robin des Bois merde, tu vois, de. Mais alors, c'est comme ça que vous arnaquez des vieux, c'est ça? Et vraiment, elle lâchait pas. Mais non, pas que des vieux, à part. Mais moi aussi, ça me déclenche ce truc Robin des Bois quand je reçois ces textos. Et dès que je vois que c'est un 06, je peux pas m'empêcher. Mais maintenant, c'est un rituel, quoi. Je leur envoie Dieu voit tout. Et moi, j'y dois lever. Doigt jugeur. Parce que c'est trop méchant de faire ça, putain. Dieu. Bah non, je veux que horrible. Ça les atteigne dans leur conscience, tu vois. Bah, j'adore. J'adore. Moi, j'ai été arnaquée deux fois. Une fois par LinkedIn Premium, mais en fait, je m'étais juste abonnée et genre oublié de me désabonner et ils m'ont pris 800 euros d'un coup, genre. Quoi? Et ça, pour moi, c'est une arnaque. Attends. C'est le prix de l'abonnement, ça? C'est le prix de l'abonnement à l'année. Et en fait, t'aurais j'avais pas vu qu'il y avait Swift. Une clause avec écrit on va tout vous prendre d'un coup, genre. Et en fait, je m'abonne pour envoyer un mail à un gars que je trouvais pas ailleurs. J'envoie c'est le mail le plus cher de l'histoire, tu vois. Ah ouais. Et c'était je l'envoie. C'est ça. Et d'un coup, je vois moins 800 euros sur mon compte de LinkedIn Premium. Là, je me suis bien fait baiser. Et la deuxième fois, je reçois un peu comme toi un petit DM sur Instagram d'une agence de casting et on me dit vous avez été repéré pour jouer dans un film de Abdelatif Kechiche qui s'appelle La vie d'Adèle 2. Elle revient et elle est pas contente. Et non seulement on vous a repéré pour jouer, mais vous allez être la sœur d'Adèle, genre classe, tu vois. Et je fais mais non, c'est mon destin, tu vois. Et donc elle me dit oui, est-ce que vous êtes ok pour passer un petit casting maintenant? Je suis là, il est 11h30 le soir, chelou, tu vois. Ah. Elle dit non, mais le casting c'est juste envoyer quelques en vidéo, photos, quelques tape, photos un peu doigté. Dénudées ouais, pour okay. montrer que vous êtes à l'aise avec votre corps et tout. Et j'étais là, oh mince. Et du coup, en fait, ils avaient recréé, mais je savais même pas que les gens faisaient ça. Ils avaient recréé exactement le même Instagram que la vraie agence de casting. Ils avaient screenshoté toutes les photos. Ah ouais. Et en fait, il y avait juste, et c'est là que je suis allée voir, et je me suis dit, j'ai été conne. Parce qu'en fait, sur chaque photo, il y avait genre un like et zéro oui, commentaire ça, et tout. Mais là, j'ai découvert les tréfonds de l'âme humaine parce que je savais même pas. Moi, comme je suis récente, je connaissais pas ces systèmes d'arnaque. Ah ouais. Donc, c'est comme ça que toi, je jouerai pas. Toi, t'avais follow back, gentil. La meuf cool, quoi. Putain. Et du coup, là, c'est, en plus, c'est juste, a priori, une arnaque juste pour se avoir lébrant, des quoi. Nudes, ouais, tu vois. Pour lébrant, quoi. Enfin, vraiment. Pour te blackmail après, ouais. Oui, ouais. Te dire, bah maintenant, ah, c'est pour ça. Je sais pas, j'avais même pas. C'est pas moi derrière le truc. C'était il y a combien de temps? C'était il y a longtemps? C'était il y a un an et demi. Ah oui, donc t'avais déjà des followers et tout quoi. Ouais, donc, potentiellement. J'avais déjà 30 ans surtout. Moi j'avoue que si on me je pense que si on me disait ouais on a une vidéo de toi en train de te branler paye nous on la à la poche je fais bah, allez-y, franchement, ouais, étalonne à la limite, mais. Je suis pas fan de l'idée, mais en vrai, bon, bah. Par contre, si on me dit, on a une vidéo de toi en train de parler. En train de parler à ton chien tout seul chez toi, je fais, je vous donne tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que la SNCF autorise désormais à bord des trains, alors que c'était interdit depuis des années? Et que je l'ai oublié. Depuis des années, c'était interdit et maintenant t'as le droit. Est-ce qu'on peut fumer quelque part? Ça m'arrange. Non. Est-ce que c'est un truc d'hygiène? Non. Un truc droit de chier sur les murs. Non mais un chiotte portatif, une poche à merde, je sais pas. Bon, une poche à merde, j'espère que c'est autorisé. Enfin, c'est pour les anus artificiels. En cas de maladie, je veux dire. Oui. Quand je vois une vieille avec ça, ça me dégoûte moi. Je m'arrache les mains. Non. Attends, on n'avait pas le droit et maintenant on a re le droit. Ouais. Un manger des œufs durs. C'est pas un animal. C'est pas manger des trucs. Téléphoner dans le wagon. Non, ça c'est toujours interdit. Je le rappelle d'ailleurs. N'hésitez pas. Ouais. Pas le faire hein, parce que c'est interdit de téléphoner. Il faut aller entre les wagons. Entre les wagons, il y a de la place. Voilà, c'est très sympa. Personne ne fait. D'ouvrir les fenêtres. Non. Baïonner ses gosses. Non. Attends, est-ce que c'est du loisir? Non. Enfin, non, mais c'est pas une activité qui est interdite. C'est vraiment, c'est pas l'activité. C'est en gros, je vais vous dire, c'est une sorte de bagage. Gros indice, mais genre un vélo ou. Alors, pas un vélo. La trottinette. Pas la trottinette. Ah, un scooter. Un scooter. 25 000 balles. J'imagine tout de suite Joule, vraiment. Entre les wagons. Non, c'est plus petit. Un que cheval. Ça. Ah non. Non, okay. Pas un cheval. Attends. Des rollers, d'être en roller. Imagine-le dans le train. Non, attends, c'est un type de bagage, tu dis. C'est un truc que tu n'avais pas le droit de transporter dans les trains et que tu as maintenant le droit. Ah bon, un cœur. Non. Pourquoi les chaussures à roulettes? Je comprends pas. On a tout fait les moyens de se déplacer là. Alors c'est pas un moyen de c'est se déplacer. C'est un bagage. Hein. Bagage. Ouais. Non. Ah, autant pour moi. Là. J'ai rajouté une règle. Ça, ouais. Les tentes 3 secondes. Non, pas les tentes 3 secondes. Attends, c'est un objet que t'avais pas le droit de transporter. C'est ça, dans et maintenant t'as le droit. un piano. C'est non, mais on s'approche. On est sur on est sur quelque un chose. Un instrument de musique. On est sur un instrument de musique. Un djembé. Pas un djembé. Pas un didgeridoo. Et ben une guitare, un accordéon, une contrebasse. Ah parce que c'était trop gros. C'est ça. Mais comment faisaient les musiciens? Je comprends pas. Eh bien sache que c'est le lobby des musiciens qui a foutu la pression. Oh, et wow. C'est grâce à eux. Alors j'aimerais lire l'article, mais vraiment. Mais il faut payer une place pour ta contrebasse. En alors justement, c'est ça. J'avoue que c'est énorme. Je comprends que ce soit interdit en vrai. Enfin, ça prend vraiment beaucoup de place. Pardon. Non mais on peut prendre un yinche de 20 kilos. On peut pas prendre une putain de contrebasse quoi. Ah oui, mais le yinche de 20 kilos, tu le mets entre tes jambes par contre. Oh. Alors hier encore, j'ai enjambé un golden retriever. Qui donc une chanson de Jean Lazenavour. Ce que je veux dire, c'est que de base, il les a changés. Ce que je veux dire, c'est normalement, t'as pas une place réservée pour ton chien, donc. Ah ouais. Tu peux pas payer. Non, si bah, tu peux payer une place en plus si t'as envie. Mais tu la payes plein pot. Ah bah oui. Parce que les enfants, par exemple, moi, ma petite, c'est, je peux ne pas payer et elle est sur mes genoux. Et si je veux lui payer une place, j'ai quand même un petit tarot enfant quoi. Mais c'est ça qui rend fou avec les chiens, c'est que tu payes plus, mais genre il y a aucune commodité en plus quoi. C'est juste tu payes plus pour avoir être moins bien installé toi avec ton chien entre les jambes quoi. Et voilà, et tu réfléchis à tes décisions comme ça. Alors depuis le 1er juillet jusqu'au 8 septembre, les contrebasses, alors c'est une période très courte, hein, sont autorisées à bord des TGV inouïs dans le cadre d'une expérimentation décidée à la suite nombreuses échanges et discussions avec la profession, ridicule, le ministère de la culture et le ministère des transports. On va être envahi par les contrebasses. Allez, putain. J'espère que vous avez bien voté, parce qu'avec les contrebasses qu'on va se taper dans le train, à l'issue de cette phase test, un bilan sera réalisé à la rentrée 2024 en vue de pérenniser le dispositif s'il est satisfaisant. Mais quel est le dispositif, moi? Il doit voir comment. Parce que c'est quoi? Des emplacements adaptés au rangement des contrebasses sont localisés en première classe dans les TGV à double niveau. Ah, ils vont faire des emplacements. Donc t'es obligé en plus d'être en première classe pour pouvoir ramener ta contrebasse. Et tu es en seconde classe dans les TGV à simple niveau. Dans le cas d'un. Bah, si, en fait. Donc il y a vraiment des aménagements pour les contrebasses qui non, vont en être... fait, c'est quand t'es en première. C'est encore un fiasco comme les chiens, ça. Non, mais quand t'es en première, les trucs pour ranger les affaires sont plus gros. À titre personnel, quand j'ai la poussette de ma fille, je peux pas la ranger dans le porte-bagages des secondes. Je suis obligé de les mettre dans les bagages des premières parce qu'il y a beaucoup plus de place. T'es en première de toute façon, Florent. Je suis le roi, fait quelques entrées, je suis en première. Mais le fait est que quand je prenais la seconde avec la petite au début, je pouvais pas mettre ma poussette avec les autres bagages. Ouais, mais... vous voyagez, vous voyez qu'il y a bien pas sûr, beaucoup bien sûr, de place. Non mais une contrebasse, ça rentre nulle part. Et ben je pense que si. Je pense que là-haut, t'as de la place. Ah franchement, il y a de la place en première. Contrebasse, c'est la table, genre. Là. Bah ouais, je sais pas exactement comment ils vont se démerder, mais des fois il y a des emplacements vraiment où il y a pas de siège et il y a un emplacement libre pour mettre les trucs. Donc là, ça rentre, mais bref, je sais pas. Écoute... Du coup, on a obligé pendant des années les contrebassistes à se déplacer en voiture. En vélo. Non mais depuis plus là il y a je te cite François Poitou sur Twitter. Bah, oui. Contrebassiste qui avait quand même utilisé le hashtag contrebasse dans les trains. Depuis plus de 10 bien ans choisi. ça dit les choses. Depuis plus de 10 ans, je prends le TGV avec mon bagage atypique. Ce bagage contrebasse permet à des groupes de faire des concerts et à des gens de les apprécier. Avant 2020, les contrôleurs nous aidaient à lui trouver une place. Ce n'est plus le cas, je dois me débrouiller seul. C'est le c'est Covid juste ça, le qui truc. Avait ouais. tué la contrebasse. C'est peut-être le Covid qui a tué la contrebasse. Mais attends, du coup, le problème, c'est pas que c'était interdit, c'est juste qu'il dit faut que je me débrouille tout non, seul non, pour non, trouver mais un endroit. Que, ouais, non, bah, gars, comme pas tout le monde, quoi. Non, c'était interdit. Interdit. Pas ce qu'il dit, là. Un Américain a eu une sorte de déconvenue dans un restaurant avec son épouse. Que lui est-il arrivé? Il est mort. Non. Trouver une sorte d'organe dans sa bouffe. Non, mais c'est lié à des organes. C'est déconvenu, ouais. Trop relou. Sale déconvenu. Ah là là. Ah, une tuile, je t'ai pas raconté, mon mari. Mort. Non, mais une histoire, genre Gentelé, il chope une espèce de d'intoxication alimentaire, finit à l'hosto. Gentelé, le mec de la télé, là? Non, ça c'est Gentelé. Gentelé, ouais. Non, mais attends, Gentelé, c'était l'auteur. Qui raconte plein de trucs. Il est décédé, c'était le mari de Miu Miu. Il est décédé. Bah, il y rentre dans un restaurant, il mange des boulettes. Okay. Il y rentre, intoxication, il meurt. Ah non, oh, wow. Et il avait genre 50 balais, tu vois. Ah, et il a pas fait de la télé du tout. Bah peut-être pour ses bouquins, tu vois. Il aurait dû regarder les Google Avis parce qu'il a un style un peu Souchon, non? Pas du tout. Non, il a pas les cheveux blonds bouclés, non. C'est il a le cheveu mousseux un peu, si c'est ça que tu veux dire. Je me permettrais pas un tel jugement. Mais c'est vrai que le cheveu mousseux s'applique parfaitement à Alain Souchon en tout cas. Ah bah c'est de la poussière sous les meubles, hein, les cheveux d'Alain Souchon. C'est vrai. Donc qu'est-ce qui est arrivé à cet Américain à votre avis? C'est pendant... Il a trouvé dans sa bouffe. Alors il l'a pas trouvé dans sa bouffe, c'est un truc qui lui est arrivé à lui. Après avoir mangé. Non. Avant non, avoir en fait, mangé. C'est pas lié au repas. Ça lui est arrivé pendant le repas, mais c'est pas lié au repas. Encore du caca. Non, pas du caca, okay. Mais un peu pas loin. pas loin, mais c'est pas du caca, promis. Du pipi. Attends, j'ai pas compris. Tu m'as dit pas loin. Pardon, j'ai du mal à comprendre. Et donc il a pas mangé un truc. C'est pas lié à la bouffe. Il était juste avec sa meuf. Ok, d'accord. Et il lui est arrivé un truc. Ah ok. Ah. Qui est vraiment compliqué. Il y a une voiture qui est rentrée dans la voiture. Ah. Ouais, non. J'ai vu des vidéos. Un comme serveur ça. Qui lui a vomi dessus. Non. Est-ce l'amant de sa femme? Qui est venu lui dire que c'était l'amant de sa femme. Waouh. Non. C'était un bon boulevard en tout cas. Et aussi son frère, et aussi son frère jumeau. Ouais. C'est un truc dégueulasse. C'est horrible. C'est horrible. Ah ouais. Ouais. Est-ce que c'est une canalisation? Quand tu disais le caca, c'est du pas sang, vraiment le caca. Sang. Il y a eu du sang entre autres. Attends, il y a pas de caca dans le caca. Ah, les toilettes du dessus qui se sont effondrées sur la gueule du gars. Non. Parce que j'allais dire ça, moi, une canalisation qui a pété non, sur non. Ça. Non, sa non. femme lui a planté la fourchette dans la main. Alors non, il y a une bonne ambiance entre lui et sa femme. Est-ce que c'est vraiment un pur accident, un truc? Ah ouais, c'est un accident, mais qu'il a créé lui-même. Qui lui est arrivé lui-même. Il s'est chié dessus. Alors il s'est pas chié dessus, la c'est merde pas lié a à la... dans ses chaussures. C'est pas lié ou pas à du la... tout, il a trébuché à un moment donné. Non, mais c'est en fait là où ça va être difficile pour moi de vous aider, c'est que c'est lié à un truc qui est sorti de son corps, mais c'est pas de la merde. Du sperme. Pu. C'est pas du sperme, c'est pas du pu. C'est pas du vomi. C'est pas du vomi. Des larmes. Oh merde, c'est horrible, c'est son cerveau qui a fondu. Alors. Ah non, putain, je l'ai. Bah non, je l'ai lu. C'est pas grave. Non, c'est le jeu. Son cerveau il est sorti par son zen. Non, non. Mais c'est un peu dans ce genre-là, ouais. Ouais. Du sang par les oreilles. Il a éternué. Et quelque chose est sorti par quelque part. Ouais. Par sa bouche. Non. Par son nez, du coup. Par ses yeux. Allez à l'essentiel. Les oreilles. Non. L'essentiel. Son cul. De ce podcast. Voilà. Merci de podcast. Il a chié ses intestins. Il a chié ses intestins. Descente d'organes. Ouais, c'est ça. Vous savez qu'il y a des filets à organes. Des défilés. Des filets, c'est-à-dire quand les gens commencent à faire des descentes d'organes, leur fout des filets dedans pour toutes. Mais moi j'ai appris ça très récemment, je savais pas non plus. Et donc c'est des petits sacs à organes, et ça tient le tout quoi. Donc il n'avait pas de filet, il a chié son intestin. Pendant le petit déjeuner, l'homme a éternué au petit déjeuner en plus. Pas de bol, franchement. Mais ça tient un éternuement quoi. Alors, je pense qu'il y avait un petit précédent. C'était déjà un peu lâche, ouais. Je pense qu'il y avait des antécédents, tu vois. Il s'était fait opérer. Ah merde. Voilà aussi. Et oui, à la médecine. Par des banques. Pendant le petit déjeuner, l'homme a éternué violemment, puis toussé. Il a immédiatement ressenti une sensation d'humidité et une douleur dans le bas-ventre. Ça va, c'est pas les genoux, Camille. Tranquille. En baissant les yeux, il a observé. Sensation d'humidité. Il a observé plusieurs boucles d'intestin dépassant de la plaie chirurgicale. J'en ai conscience. Mais il n'est pas mort. Ils lui ont remis. Bah c'est sûr. Ils ont mis un sac à filet. C'est en cours. Non, il était dans un état critique lorsqu'il a été emmené dans un hôpital. Oh, trois chirurgiens s'en sont occupés. Et bien que c'est une plaie, une complication bien connue, ce cas est important car l'éviscération à travers le site chirurgical abdominal après une cystectomie, c'est dur à dire à chaque fois, cystectomie, est très peu décrite dans la littérature médicale, mais il a été pris en charge et il n'est pas mort. On est très content pour lui. Et quand il même. Nous écoute et on l'embrasse et on lui envoie un chèque de 1000 euros. Non. Non, mais le pauvre, maintenant, dès qu'il aura un éternuement qui arrive, il va se chier dessus. Non, mais non. La peur, panique qu'il va avoir, quoi. C'est affreux. Ouais. C'est ça, tu sais, les gens qui sont allergiques au pollen qui éternuent en série. Mais il aurait pu se suicider comme ça, quoi. Si ça avait continué, il mourrait sur le système. Et bah c'est une très belle histoire, Florent. Une jolie histoire que je vous raconte. Ouais. Non, mais vous êtes comment au restaurant? Comment Moi j'éternue mes organes. Moi rarement. À moins si c'est vraiment très bon, sinon je suis pas mes intestins. Est-ce que vous imaginons, je vais vous inviter au restaurant. Toi Adrien, je vais t'inviter au restaurant, tu vas voir. Je suis pénible. Alors Camille, elle est insupportable au restaurant. Pénible au restaurant? Ouais, tu veux goûter dans les plats des autres? Alors attends, qu'est-ce que je dois choisir? Comment sur le service, je suis pénible. Ah mais attention. Je suis un peu j'essaie de me taire en fait maintenant parce que sinon je tatillonne. On peut en empathie. On peut être avec toi, on peut être de ton côté, ça dépend. Qu'est-ce qui peut t'agacer par exemple? Mais en fait, elle sert dans un bar et c'est pas combien coûte l'espresso. Mais moi, je ne m'en remettrai jamais. C'est... Ça vaut trop, c'est normal. Non, c'est vrai que c'est la base, ça sera ouais, la base. Moi j'étais pas à ce point. Moi c'est plus des fois le petit ton. Non, mais si, quand même, c'est bon. Après, c'est peut-être son premier jour, je sais pas. Oui, mais j'ai souvent l'impression de tomber sur les premiers jours. C'est ça qui me. Et parce qu'il y a des gens comme toi qui se plaignent et les gens se font virer. Du coup. Moi, c'est les petits attends, tons. L'autre fois, il y en a une carrément. Je voyais qu'elle était débordée par ce qui se passait en terrasse. Tout le monde, dès qu'elle passe et tout le monde lui demande un truc, déjà, ça se voyait qu'elle en avait ras le cul. Et moi, je suis la dernière à lui dire, et moi, vous m'amènerez la note, s'il vous plaît. Elle m'a dit, oh putain! Vraiment? Ah, là, c'est beaucoup. Ouais, bon, là. Aucune limite, quoi. Non, mais d'accord. Mais c'est quand même des exceptions, quoi. Ouais, là, c'est beaucoup. Non, moi, il y a un truc que j'aime pas trop. Et pourtant, je vois pas d'autre façon de le formuler de leur part. Donc, c'est vraiment mon problème à moi. C'est quand même en disant, bon, j'ai fini mon service, je vais devoir vous encaisser. ça m'énerve toujours un peu. Je peux pas vous... je comprends pas comment ça fonctionne. Pourquoi je dois me dépêcher de payer à un moment. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai te le dire gentiment, quoi. Non, mais même si c'est dit gentiment, ça m'agace un peu. C'est, je paye quand je pars, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Je trouve ça bizarre que ce soit pas à l'autre serveur de reprendre l'autre. Enfin, ce truc-là. Oui, oui. C'est vrai, c'est vrai. Si jamais vous travaillez dans le service et que vous avez la réponse, expliquez-le-moi. Comme ça, il se calmera. Ouais, parce que là, je suis foudrage. Là, je tremble. Non, mais des fois, j'adore dans le podcast. Alors, ne le faites pas à chaque fois. Hein. Mais des fois, les gens nous expliquent un peu des trucs comme ça. Tu vois, qu'on est agacé sur des trucs et des fois, on nous donne des clés pour mieux comprendre. C'est vrai. Mais comme le minimum de la carte bancaire. En 2024, je trouve ça fou, ça existe. Mais c'est interdit par la loi. Non, mais c'est illégal, c'est illégal. Voilà, ouais, c'est exactement. Ça. Et moi, je le dis tout le temps au buraliste. Je lui dis, non, mais c'est vrai. Déjà, je paye 100 000 euros mon paquet de clopes. Ouais. Et en plus, j'ai pas le droit, il faut quand même que j'achète un jackpot. Bon, je le fais quoi qu'il arrive parce que je suis fan des jeux à gratter. Et bon, bref, j'en ai. Et à chaque fois, l'autre jour, je vais dans le 6ème. Minimum 35 euros, bordel de merde, tu vois. Sixième, et oui. Je lui dis, c'est interdit par la loi, en fait. Vous n'avez pas le droit. Mais combien de fois je m'engueule avec les buralistes? Donc, c'est interdit, bordel de merde. C'est vraiment vrai, ça. C'est interdit par la loi. Vraiment. Arrêtez de le faire. Ils n'arrêteront jamais. Parce qu'apparemment, c'est une loi qui est vraiment. Personne ne s'intéresse à la faire appliquer. Mais c'est donc, fou, mais c'est dingue que les flics aillent pas voir un peu. Non, mais contrôler. Mais non, mais tu te rends compte, comment tu te fais arnaquer? T'es obligé d'acheter d'autres trucs pour pouvoir payer avec ta carte. Oui, on est lésé parce qu'on n'a jamais de cash. Qui je, a du cash? Je sais même pas quelle autorité serait habilitée à faire respecter cette loi. Quoi. J'avoue, c'est clairement pas les flics. Clairement pas les flics. Donc, il y a peut-être un métier à créer. Ouais. Bah, tu vois, des agents de sécu. De... Non, mais ça peut être peut-être un métier à part en plus. Ou alors juste une carte où tu dis je suis habilité à faire. Mais cela dit, il y a des inspecteurs de l'éducation nationale, des inspecteurs de tous les trucs, tu vois. Il doit y avoir des inspecteurs de buralistes. Ouais, mais qui doivent vérifier que tu vends pas des dingueries. Enfin, cochon de tabac, on envoie chez Best. Allez. Ah là, attention, attention ça. Il y a un minimum. Il y a un minimum. Chope à la gorge. Moi, c'est quand juste me tutoyer, je déteste. Les ça, c'est très parisien, ça. Ouais. Très paris, ça. Ouais, je comprends ça. Trop de. Trop de familiarité. Ah oui, moi aussi. Et alors une fois, et je suis tombé, bah on en parlait, attends c'était quand, c'était avec Urbain, un jour je suis tombé sur le pire serveur en termes de familiarité, c'est-à-dire que le mec, j'étais dans un resto, donc c'était avec mon ex, et on était en train de parler, et je vois dans son visage qu'il y a un truc genre, tu sais, bizarre, je dis putain mais je suis en train de dire une connerie ou quoi, et en fait non, elle faisait une tête bizarre parce que le serveur s'est glissé derrière moi, à mon oreille, et m'a fait bouh. Pendant que j'étais à table, tu vois. Et donc je me suis retourné, genre, ben quoi? Et il a fait, c'est une blague, tu vois. Et il commentait tout. C'est Greg Guillotin pour. Genre, à un moment, je vérifie un truc sur mon téléphone. Et lui, il passe, il fait, ah bah sympa de manger avec lui, il est sur son téléphone. Oh là là. Je fais, casse-toi tout de suite. Mais déjà, moi, juste ceux. T'sais, genre, tu finis pas tout ton plat, qui disent, bah dis donc, c'était pas bon. T'as juste ça, ça m'énerve. Il m'a dit ça aussi. Ah oui. Il m'a dit, oh oui, il a même pas fini ça et tout. Ta gueule! Il m'a tout fait, c'était horrible. Ce resto a fermé, pourtant c'était un excellent resto vegan malheureusement. Et moi ça m'énerve un peu aussi à Paris. Les titres des restos. Là je suis passé devant un burger qui s'appelle Prends ton burger et casse-toi. Calmos. J'ai juste eu envie de dire Calmos. C'est le nom d'un resto que je suis passé. Tu l'as vu toi? Oui, bien sûr. Prends ton burger et casse-toi. C'est très bizarre. Casse-toi sans payer peut-être. Vous n'êtes pas si cool que ça à donner un nom ridicule comme ça. Oui, ça fait vraiment école de commerce. Ça fait Begelstein, Big Fernand, toutes ces conneries-là. Bar à coquillettes. Ah, Big Fernand, c'est vrai que c'est insupportable. Ah, bah, Big Fernand, t'aimes bien les bar à coquillettes? Non, je les déteste. Ah, ok. J'ai cru que c'était un. Mais ça, pareil, ça a fermé. Il n'y en a plus à Paris. Hein. Oui, mais il y en avait un à Châtelet qui avait fait le bad buzz parce que c'était très très cher. Enfin, tu payais vraiment des coquillettes. Non, mais les trucs à concept, personne n'a envie de ça. Ah, je suis désolée. Moi, j'ai un resto à Cordon Bleu à côté de chez moi. Non. Cordon Bleu roulé. Si, bah, ça, si. Ça, moi, président, ça ferme. Non, mais ça ferme pour moi. Mais non, mais ne dis pas non. Il y a des Cordon Bleu vegan. Je suis d'accord avec toi, Candy. Merci. Je suis dans ta team. On goûte d'abord. Non, c'est un resto et sert aussi des Cordon Bleu. J'ai quoi ces trucs monopoles? C'est des super Cordon Bleu un peu fancy. Bah, si tu sais faire qu'un seul truc super bon, mais t'es, non, t'es un resto de merde. Et non, parce qu'il y a 15 déclinaisons de Cordon Bleu, donc du même plat quoi. Donc c'est, tu sais faire qu'un seul plat bien, t'es pas un resto. Adrien, t'es dans. Remets-toi dans tes gonds. Je t'en supplie. Je suis complètement en dehors. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont derrière moi. Mais par exemple, le bar à coquillettes, moi, il me manque pour une petite raison. Ouais. C'est depuis que je suis papa. C'est-à-dire que les restos, putain, pour les enfants. Non, mais. Ils servent des pâtes dans tous les putains de restos. Alors. C'est clair. Non, oui. Allez-y. Oui. Vous n'avez pas d'enfants. Donnez des leçons. Ah, ça va. Je te dis pas comment élever ton chien. Oh, tu amènes bouffer des pizzas. Et du popcorn. Tu veux du popcorn. Non, mais. Souvent les restos, déjà à Paris, il y a pas trop de menus enfants. C'est pas un truc qui existe vraiment, pas tant que ça. Et souvent c'est un peu trop fancy justement pour un enfant. C'est-à-dire que un bon bol de coquillettes, l'enfant est au paradis, par exemple. Alors que si tu commences à mettre des spaghettis avec un peu de trucs et de machin et tout, l'enfant, c'est insupportable pour lui, tu vois. Oui, c'est insupportable, oui, je pense. Bah, manger des spaghettis pour un enfant, oui, mais c'est... Mais oui, le pauvre, bah, il pleure souvent, même. Mais c'est trop gros. C'est des traumas dont il parle à leur psy, ma fille, après. Elle a deux ans et demi. Mais elle a une trop petite bouche. Elle a rien à foutre au resto, déjà. Elle a une trop petite bouche. Mais vous êtes marrant. Pourquoi? Pour manger des spaghettis, c'est le truc le plus fin qui existe. Tu coupes, couper ces spaghettis. Alors il y a des gens qui vont dire sur Twitter, pardon, on coupe pas les spaghettis. Non, il y a peut-être des parents qui m'écoutent. C'est pas simple de faire manger au restaurant les petits, parce que souvent les plats sont pas faciles à faire. Mais non, je vois que vous êtes pas dans ma team. Bon, amène-la dans des restos moins fancy, peut-être. Je l'emmène au Ritz. C'est vrai que c'est peut-être une erreur. Je l'emmène au Phuket. Toi, Kalindi? Ah, j'ai cru qu'on en avait rien à foutre. Non, j'ai j'allais rien. J'allais faire Adrien, tu vois. J'étais là, ok, moi, on s'en bat les couilles. Non, j'allais aller vers toi. Si je veux t'emmener au restaurant, comment je peux te satisfaire? Déjà, le meilleur restaurant, c'est chez moi. Donc, ça, on est d'accord. Ouais. Enfin, ah ouais, chez c'est moi, vrai. Je veux dire, mais oui. Non, mais chez moi. Alors déjà, moi, je trouve que tout le monde cuisine moins bien que moi. D'accord. Ce qui fait que quand je vais au restaurant, très souvent, je suis un peu déçue. Et je suis là, putain, là, ça manque de mâche. Là, c'est trop acide. Là, j'aurais mis un espuma à la place de cette crème de merde. Ouais. Donc, tu vois, je suis... Et en fait, mon mec, ça me fait plaisir. Parce que maintenant, il me dit, franchement, bah, tu vois, je suis devenue difficile au resto. Parce que bah, chez nous, c'est trop bien, tu vois. Tu cuisines mieux que tout le monde. Donc non, moi j'ai beaucoup d'attentes quand je paye. Je trouve que les restaurants sont mais diaboliquement chers. Et quand je paye très cher, j'ai envie que ce soit excellent et que je n'ai rien à redire. Ça n'arrive jamais. Ouais. Donc tu es plus quelqu'un qui est attaché à la nourriture qu'au cadre. Où il faut vraiment que ce soit un ensemble. Par exemple, moi, le cadre est plus important que la nourriture quand je vais au restaurant. Ah, si c'est un thème pirate, par exemple. Attends, mais toi, je t'ai croisé à McDo à 11h du matin déjà. Oui. Donc j'ai l'impression que. Il y a eu un moment un peu triste où elle m'a croisé vraiment à 11h du matin. C'était pour le cadre, c'était pour le cadre. Voilà, elle a fait, mais qu'est-ce que c'est que ce gars? Non, moi, j'avais une expérience similaire avec toi où on avait un floodcast à 16h et tu m'avais dit, je suis au quick. Franchement, moi, au quick. Et je suis arrivé, j'avais filmé d'ailleurs. Mon arrivée où t'étais dos à 16h au quick en train de manger. Seul au quick. Et je crois que tu regardais une vidéo sur ton tel. Ouais. Oh là là. Bah c'est exactement ce qui était en train d'arriver ce matin. Quand je... Mais au moins, il a pas changé. Le succès n'a pas changé. Mais c'est ma vie. On peut diriger Charlotte Gainsbourg et voilà. Il a pas changé. Il est resté le même. Je suis resté le même. Bon, il fait la fine bouche avec sa fille apparemment. Ouais, voilà, mais bon. Quand mais il est seul, il reste non, moi, le cadre est très. C'est-à-dire que si je mange très très bien. Ouais. Mais que je sais pas, il y a du bruit, la musique est trop forte ou des choses là, je n'aime pas ma soirée. Mais bien sûr qu'il faut une expérience complète. Voilà, il faut non, la, mais non, voilà. Mais il faut la bonne light, il faut que ce soit joli, il faut que les serveurs connaissent le prix de l'expresso. C'est un minimum. Et soit sympathique sans être trop familier. C'est ça. À la base quoi. Bah, ouais, mais en fait, c'est pas censé être si compliqué, tu vois. L'étoilé, mais non, mais t'as des trucs bistronomiques où en fait déjà tu manges très bien, c'est joli, les serveurs te parlent bien, ça existe. À Paris, un peu moins. Mais ça existe dans certains endroits. Mais moi, attention, j'ai fait très peu de restaurants très classe, comme vous pouvez le souligner. Ça m'énerve quand ça en fait trop aussi, quand même. Moi, c'est ce que j'allais dire, c'est que moi, je veux pas que les gens ils soient vraiment obséquieux, machin. Normalement, ça, d'accord, bien. Ça me stresse aussi. Pas mal. Pardon, mais quand bien. Non, mais placer, sur les descentes d'organes, tu m'as surpris. J'essaie de me rattraper un peu. Non, mais au contraire, ça me. Je bascule aussi dans un autre type de. Ouais, pareil. De malaise, ouais. Quand ils viennent, ils remplissent ton verre et tout, c'est. Ah, laisse-moi. Les hôtels aussi. Je trouve que dans les hôtels, les. Les gens en font beaucoup, tu vois, les, à l'accueil. Non, moi, ça, t'aimes pas, moi, j'adore ça. Moi, j'aime pas ça, moi. Moi, ça me met mal à l'aise. On va peut-être pas dans les mêmes hôtels. T'aimes pas qu'on te dise bonjour le matin, voici le restaurant du petit déjeuner? Non, c'est ça, marrant. Je suis pas trop pour. Non, on en a déjà parlé, mais toi, le matin dans les hôtels, c'est particulier. Oui, moi, j'aime pas. Mais le matin, je peux pas vraiment comprendre. Petite anecdote, on a fait la tournée Nous les Leroy, machin, et donc je me lève avant Flo, je vais au petit déj. Ouais, au Floodcast, t'es la tournée Floodcast. Non, non. Ah, ouais, peu importe. Ouais. C'est vrai qu'on une fout. Tournée, en quoi. Tout cas, on une était de grosse tournée. Pardon, la vie d'Aloca. Donc. Et Flo arrive avec son plateau de petit-déj et tout. Je fais ah, cool, mon pote arrive, on va manger ensemble. Il passe devant moi, il se met à une autre table. Kylian Mbappé. J'avais un casque. Tu fais ça? Il a fait ça. Et en vrai, je comprends. Mais sur le moment. Je vais vous dire la vérité. C'est aussi traumatisant qu'un concert de Taylor Swift. Je crois que je l'avais dit dans la dernière fois qu'on avait parlé. Je l'aurais pas fait avec. Beaucoup d'autres personnes qu'Adrien. Il portait des lunettes de soleil. Ça, c'est à l'intérieur aussi. Oh là là, quel immense connard. Mais des fois, il y a le McDo le matin. Tu vois, je suis un mec un peu. Je me kill, moi. Non, mais je l'aurais pas fait avec n'importe qui. Et je savais qu'Adrien. Bon, il le répète dans beaucoup d'épisodes. Donc je crois que ça l'a quand même un peu. Non. Je pensais qu'il me comprendrait sur. Mais non, le matin. Parce que c'est terrible de ne pas le notifier, quoi. Si, tu passes en silence. Non, j'ai pas fait ça. Non, j'ai pas fait en ça. Vrai, non. Il y a eu un léger bonjour. Il y a eu un bonjour. Il vient de dire quand même qu'il aimait pas qu'on lui dise. Ouais, ouais. C'était un peu genre, salut. Et mais pourquoi tu te mets pas juste en face, mais tu lui parles pas? C'est pour moi bien pire. C'est pour, ah, c'est pour bien moi bien pire. Non. Et attends, c'est aussi parce que tu te doutes que je t'aurais parler. Peut-être parlé. Bah, ah, il s'est pas mis à une table loin non plus, mais il s'est mis la table à côté de moi. Et ce qui m'empêchait pas de te parler dans l'absolu, mais il y avait un message qui disait. Il y avait un message. Ne me parle pas. Oui, qui était présent. Donc je l'ai mais pas fait. Pour tout vous dire, et je crois que c'est ce qu'on l'avait déjà. J'ai pris une photo pour mon. Et je crois qu'on l'avait raconté à la fois. Adrien est aussi quelqu'un qui, dans la vie, m'avait dit une fois, et moi je l'avais compris. On était à une soirée, je crois, et il m'avait dit. C'était en rentrant de Golden, je crois. En rentrant. Et je lui dis, ah bah vas-y, on peut marcher ensemble. Et il m'avait dit, non, je préfère marcher tout seul pour être tranquille. Donc on est quand même dans une relation. Oh, j'ai pas dit pour être tranquille. Non, ça, je comprends tellement. Mais et donc, alors c'est complètement différent de l'autre alors, truc. Non, mais... C'est genre deux mondes inversés. Vous foutez de ma gueule. Non, c'est pour ça que j'ai dit que je comprends. Non, mais je sais pas. Moi, je déteste, mais j'en ai parlé dans 4 quarts d'heure maintes et maintes fois. Je déteste les gens qui me disent, ah bon, on se retrouve à tel endroit, on fait le chemin ensemble. Mais pourquoi tu veux faire ça? Genre, laisse-moi tranquille, j'ai envie d'écouter ma musique, c'est hyper bizarre, tu vois. Donc, non, ça, je comprends totalement. Par contre, t'asseoir à côté de quelqu'un. En plus, entre amis, tu peux t'asseoir en face et dire, ne m'adresse pas la parole, mais partageons oui, tout de même c'est vrai ce que... moment. C'est vrai qu'au moins, moi, il y avait... Pour moi, Camille. On marche sur la tête. Pour moi, on marche sur la tête. Moi, j'avais l'impression d'être une connasse au resto. En fait. C'est vraiment des enfoirés. On met tout à plat. Non, mais moi, au moins, j'étais franc du collier. J'ai dit non. Tu vois, oui, il y avait vrai. Une espèce de message un peu fourbasse de. Ah, mais ça, c'est pas ailleurs. Ça, c'est tout à fait moi. Voilà. Ça, là, pour le coup, c'est vraiment nous deux. Je suis aussi toi, un énorme lâche. Oui. Tu mets les deux pieds dedans et moi, je fais oui, non, mais t'inquiète. Ouais, je suis un énorme lâche sur d'autres aspects. Attention. Évidemment. Adrien, toi, au resto, pour être heureux, il te faut quoi? Bah alors, moi je suis en plus quand j'ai dit je suis avec toi le meilleur resto c'est chez moi pas vraiment parce que je cuisine pas si bien que ça vraiment non le cadre joue beaucoup quand même bon faut que ce soit non toi t'es vegan déjà je suis vegan donc déjà je peux pas trop faire la fine bouche s'il te plaît déjà parce que ta fille qui a du mal à manger au resto qu'elle soit vegan on verra non moi il y a un truc qui me rend fou mais c'est très spécifique c'est sur les vraiment d'ailleurs je passe ce message j'en profite si vous faites des burgers et que vous avez mis la sauce sur le burger là, mettez-en trois fois plus. Ouais, parce c'est que vrai. C'est la base, putain de merde. La sauce dans le burger, c'est ce qui fait que c'est pas sec. Et les gens, ils mettent une noisette de chiasse là debout. Mettez-en, mais je suis prêt à en avoir sur les doigts, mais mettez beaucoup de sauce dans les burgers. Voilà. T'as mon totalement combat. Raison. C'est mon combat, parce que c'est ça qui va... qui crée l'harmonie dans le truc quoi et qui fait que c'est pas sec et tout quoi donc mettez plus de sauce dans les burgers ouais. Voilà, écoute c'est le message qu'on peut donner voilà, à tous les Français qui nous écoutent un job d'été à portée de clic a été lancé par les magasins Leclerc qui parrainent le Tour de France ils organisent un casting exclusif pour recruter une personne qui conduira quelque chose mais qui conduira quoi je n'ai rien compris non. Alors déjà c'est fou que tu parles des magasins Leclerc tu verras pourquoi tout à l'heure hein je dis c'est fou que tu parles des magasins Leclerc tu verras pourquoi tout à l'heure ok hein. Mais c'est le à portée de clic qui nous a perdu je crois ouais je comprends ouais. C'est une expression un peu ringarde parce que tu c'est peux t'inscrire sur internet, internet. Tu peux t'inscrire à portée de clic oui j'essaie de faire eh ben on n'est pas tous auteurs on a rampule tu as repris le vocabulaire de Leclerc visiblement ouais du Leclerc pour l'abbé d'ailleurs même mais bon, bah, pardon. C'est déjà que t'allais parler. C'est ma recommandation culturelle. Le local. Bon, pardon, okay, très bien. Il y a du storytelling derrière. Alors, okay. Donc, il y a un job d'été ouais. Auquel vous pouvez accéder via Internet. D'accord ouais. Leclerc, il parle le Tour de France. Vous pouvez conduire un truc la voiture sur le Tour balai. De France. À votre avis, c'est quoi la alors, voiture cochonneau. Pas la voiture cochonneau, pas la voiture balai exactement. Un drone. Une voiture donc. C'est une voiture. Une voiture d'une chaîne Alors c'est une voiture mais peut-être vous ne regardez pas le Tour de France bien sûr que non. Moi j'ai regardé longtemps mon père était cycliste c'est très ça. Longtemps j'ai regardé le Tour de France pro mais avec ou un juste amateur. Non amateur mais maintenant ça me désintéresse donc je sais rien. Tu sais rien. Je connais la voiture cochonou. Il y a la voiture cochonou voilà, c'est déjà c'est très bien. C'est déjà énorme. C'est le truc le plus intéressant je pense du Tour de France hein. Les chutes. Ce qu'on peut conduire. Donc c'est une bagnole c'est sûr. Je vais vous donner la réponse. Attends non mais vous l'aurez pas c'est la voiture melon géant du Tour de France. J'avais demandé si elle avait une forme spéciale. Bah oui, c'est un melon géant. C'est un melon géant. Je peux pas dire. Et ça, c'est cette année ou ça existait déjà avant c'est et surtout, est-ce qu'on années. Peut toujours s'inscrire surtout, c'est, ça, bah, c'est ça qui m'intéresse. Il faut être disponible. Ça a déjà commencé du 26 juin au 22 juillet inclus. Avoir le permis B depuis plus de 3 ans. Okay. Aimer le travail en équipe et garder le sourire pendant 3 semaines. Ah, c'est mort. Au total, le dernier point, c'est. Au total, vous allez parcourir près de 3500 km entre Florence en Italie et Paris, parce que le Tour de France commence toujours. Attends, le Tour de France commence à Florence ? Ouais, mais souvent le Tour de France, il dépasse un peu la France. Ok, bah, je savais pas ça du tout. Lors de l'étape finale, vous remonterez au guidon de votre monture les Champs-Élysées. Mmh. Ça vous fait pas rêver de remonter attends, les Champs-Élysées en voiture melon ? Guidon ? au guidon de... Ouais, je pense que c'est comme un vélo melon. Ah, est-ce que c'est un vélo? T'as peut-être raison. Parce que si c'est un vélo melon, c'est vraiment pas la même limonade, quoi. 3500. Parce que soit tu conduis tranquille, soit tu te fais les Pyrénées avec un vélo melon, quoi. Non, c'est un petit. Ça ressemble à un petit. Ah, c'est comme un petit Piaggio, quoi. Écoutez, tu l'as en photo? Ouais, je pense que c'est un Piaggio. Regardez, c'est assez joli, hein, quand même. Ah, c'est très joli. Le melon est tout vert. Le melon est très vert. Voilà. Ah mais c'est adorable. Il est bio en plus le melon. Ouais. C'est bien sûr le bio village du Leclerc de la marque Repère, bien sûr. C'est top. C'est plus que top. C'est super. Mais en 1929, sur une idée d'Henri de Grange, directeur de l'épreuve de l'époque, elle permet de financer les dépenses de la course en offrant la possibilité à des industriels de faire leur promo. Donc ça c'est les voitures balais, les trucs comme ça. Leclerc le fait avec cette voiture melon énorme. Voilà. C'est la première année qu'existe la voiture melon. Non, elle est là depuis. Connu. Elle est là depuis 2019, puisque Leclerc est partenaire du Tour depuis 2019. Donc ça fait quand même. Il faut savoir que le melon électrise les foules et fait sensation sur les réseaux sociaux au point de devenir une vedette acclamée par les petits et leurs parents. Moi, c'est ça qui me déprime. Ton père, il t'a jamais fait faire ça d'attendre sur le bord? Mais bien sûr que si. Ah, ça, c'est horrible. Tous les ans, on allait dans les Pyrénées, on attendait comme ça, collé contre le grillage, de voir Lance Armstrong passer. Et j'en avais rien à foutre. Parce que ça, tu devais arriver tôt, j'imagine, pour avoir une place. Mais t'arrivais 5 heures avant, c'était un putain d'enfer. T'attendais, donc t'avais ton petit sandwich de merde. T'avais même pas un beau melon Leclerc à déguster, tu vois. Donc non, c'était un putain d'enfer. J'ai détesté chaque chose. Mais moi, j'ai monté un Tour de France à vélo, moi. Mais non. Vous le saurez. Le col des Arts, mes amis. Mais ça doit être. Je l'ai monté moitié en danseuse. J'ai fait une étape du Tour de France. À l'époque, je fumais moins, je picolais moins, j'étais moins vieille, enfin tout ça, quoi. Et mon père me dit : je vais te faire faire un petit col sympa. Et là, je vois que c'est un putain de col du Tour de France, parce que t'as des trucs, ils en parlent, machin. Et j'ai été jusqu'au bout, j'ai pleuré, bravo. J'ai insulté mon père, c'était horrible. Ouais. Et mon père, en plus, ce chien, il faisait vraiment bien du vélo, donc il me mettait quelques mètres dans la gueule, il descendait de son vélo, puis il prenait des photos de moi en train de galérer. Tu vois. Il a tout gâché là. Pour moi, il y avait un truc un peu shonen, un peu beau et tout, machin. Ouais. En fait, non, là, il t'a humilié. Et ouais, c'était l'humiliation, mais écoute, finalement, je suis très fière de moi de pouvoir dire que j'ai monté un col du tour, quoi. Bravo. Ah, donc t'es quand même un peu fière à la fin. Il y a quand même un peu un truc de. Bah, tu sais, c'est le concept du sport, quoi. T'as envie de te suicider. Je connais pas très bien, regarde mon corps. Je cours avec mes cornes. Je cours avec ma corne. Pas besoin de chaussures. Non, quasiment pas. Un hobbit. J'ai des sabots désormais. Est-ce que vous avez fait des petits jobs d'été? Parce que là, c'est l'été qui arrive et on a des auditeurs qui vont sûrement nous écouter. Job d'été, ben, on peut d'ailleurs faire la promo de 4 quarts d'heure. Je pense que ça tombe à pic puisqu'on a fait des épisodes thématiques sur des thèmes que les gens nous ont proposés, entre autres. Et il y aura un épisode sur les jobs d'été. Ah bon, on va pas trop spoiler alors. Oui, parce que vous faites des épisodes d'été. Ça, c'est génial. Eh oui, nous on se gratte pas le cul. On travaille tout l'été. Et voilà. Nous on est en vac, nous on va faire une petite pause, mais ouais, vous êtes à tous les deux, donc si vous voulez écouter, c'est ouf. Bah voilà, écoutez, vous avez de quoi écouter. Bah alors, juste un petit chacun, voilà, on va pas trop en dire, mais un petit job d'été que vous avez fait. Moi j'ai été tatoueuse à la feuille d'or. Mais non. Non, mais à l'aiguille, à la feuille d'or, en fait, je dessinais des petits motifs sur des meufs chez Garlin. Enfin bon, bref, c'était un truc saugrenu que vous apprendrez quand vous écouterez l'épisode spécial de 4 quarts d'heure. Teasing, là, c'est un petit teasing. Et sinon, j'étais vendeuse 1000 fois, bien sûr. Ah oui, mais que l'été. L'été, qu'est-ce que j'ai fait de merdique? J'ai fait, j'ai été, équipière chez Quick. Et là, je me suis fait bolos pendant 3 mois. Mais je me suis fait bolos par les autres gens de chez Quick, qui me haïssaient. Parce que je parlais anglais. Voilà. C'est un motif de haine, compréhensible. Ouais. Voilà. Les gens n'aiment pas la réussite, en France. Moi, mon ami Kevin, que j'embrasse très fort, il est équipier chez McDo un jour. Et il y a une nana qui vient. Et au début, il y a une autre meuf à la place de Kevin. Et la nana se casse et c'est Kevin qui prend sa place et le gars lui dit ah non pas vous, vous êtes trop moche pour le servir. Et moi je trouve ça exceptionnellement drôle. C'est drôle. C'est triste et hilarant. C'est triste et hilarant à la fois. Et donc chez McDo, il y a quand même des gens comme ça qui viennent vous insulter. Voilà. Ouais. Moi chez Quick, j'ai eu plein de problèmes avec mon équipe, avec des gens qui venaient, qui me jetaient des frites, qui me disaient ramasse. Enfin, ouais. Il y a des gens qui sont venus, ils m'ont jeté une poignée de frites. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit maintenant balaye. J'étais là, ok. Wow. Donc la violence. Parce que et moi j'ai trouvé les clients horribles aussi. Parce qu'on a dit qu'on était des clients horribles de restaurant. Moi j'ai vu des clients horrible de fast-food, les gens sont... Bah c'est ça, c'est les clients qui m'avaient jeté des... Ah ok, bon pardon. Ah oui, c'est les clients. Ah, je crois que c'était tes collègues. Ah bah non, quand même. Oui. Non. Enfin, c'est immonde aussi, mais oui, c'est... voilà. Non mais, ah oui, les clients. Clients, jeter une poignée de frites. Non mais, terrible. Tu crois que c'était un enfer, sachez le fast-food. Tous les clients ont cette putain de vanne de... c'est fast-food, hein. Ah oui, j'ai fait que 2 semaines, je l'ai entendu 7-8 fois. Oh là, c'est horrible. C'est censé être fast, hein. Et le pire, c'est que ceux qui parlent à leurs potes un peu fort pour que t'entendes, parce qu'ils vont pas te le dire à toi. Ah les salauds. C'est fast-food normalement. Après, hein, quand je peux pas vraiment certifié que j'ai jamais fait cette blague. Malheureusement. Bah oui, bien sûr. Bon, ça fait très longtemps que je suis pas allé au McDo, mais. Bah. Toi, Camille, un petit moi, job d'été. Moi, j'ai ramassé les abricots en Ardèche. Oh. J'ai été une serveuse excellente. Qui connaissait le prix. Irréprochable. Tous les prix. J'ai été rapide, déprécise. Ah, incroyable. Et une fois, j'ai été secrétaire médicale, mais il n'y a aucune anecdote sur ce travail, à part que un beau jour, je suis sortie de mon service de secrétaire médicale et j'ai appris que mon mec allait en prison. Vous l'entendrez dans 4 quarts d'heure. Oh, c'est très bien teasé. C'est très très bien teasé. Putain, incroyable. Pas mal. Et donc, vous le sortez toutes les semaines un épisode, c'est ça? Ouais, tous les mardis de l'été sur toutes les plateformes. Trop bien. Génial. Bah, bon, génial. Et puis, vous pouvez rattraper évidemment tous les épisodes. Ça fait combien de temps que vous faites ce podcast? Ça fera. On va reprendre pour la troisième saison à la rentrée. Ouais. Ah ouais, donc ça a pété rapidement en fait. C'est trop bien. Ça a vite marché. C'est trop chouette. Non, mais je le dis. Attends, ça fait 3 ans. Non, c'est la troisième saison en septembre, ouais, c'est ça. Vrai. Mais là, ça va faire 2 ans. Donc il y a eu 2 saisons, ouais, 2 étés pleins. Sublime. Ouais. Et donc, on s'est jamais arrêté. Et on peut citer les deux personnes avec qui vous faites ce podcast. Bien sûr, Alix Martineau et Louise Petrouchka. Exactement, vous êtes toutes les quatre. Enfin, des fois, moi j'ai eu la chance d'être invité dans un épisode. Des fois, il y en a une qui manque, mais vous faites ça toujours ensemble depuis maintenant 2 ans. Et donc, 3e saison. Ouais. Coolos, ça rigole. Et franchement, on peut dire que c'est super qu'on ait réussi à faire ça parce qu'on est 4. Et 4, pour gérer les agendas, c'est vraiment pas facile. J'imagine. Donc, c'est chiant. Après, on est 4 aussi. Oui, avec des gens que j'ai invités. Mais oui, non, c'est une galère. Et vous avez fait un live aussi? Plusieurs. On a fait un live là au Culture Fest de Manon Bril récemment. Vous avez envie d'en faire chouette. D'autres? Bien. Ouais, on rêve de faire une tournée des Zéniths. Bah comme vous, de faire l'Olympia. C'était l'Olympia. L'Olympia, c'était incroyable ça. Vous, c'est accessible. Oui, ça coûte quand même pas mal de pognon, non? Non, mais après, il y a d'autres salles avant l'Olympia qui sont très cool aussi. Oui. À Paris, ça manque pas. C'est ça. Vous pouvez faire vraiment des trucs cool. On a fait l'Apollo en octobre, c'était super sympa. Tout à fait. On va essayer de faire un petit live pour les 2 ans. Là. Ouais. Ah, oh, c'est trop bien. Mais ça oui, trop bien. J'espère que vous serez là. Avec plaisir. Formidable. Grand plaisir. On va passer très vite fait aux recommandations culturelles et après, on va vous lâcher. Camille, qu'est-ce que tu as aimé récemment? Oh putain, j'ai lu un livre, alors ça tombe hyper bien. Wow. J'ai lu le livre de Kalindi déjà que je évidemment, vous recommande. Évidemment, on va en parler quand même vite fait aussi après. C'est évident. Et puis, j'ai lu bien sûr Que les poissons ont froid de Fanny Ruet. Ah oui. Il paraît que c'est super. C'est pas sorti là récemment, mais c'est ressorti en poche récemment. Et en livre audio aussi. C'est... Ah ouais, super. Je l'ai acheté en livre audio. C'est parce que c'est qui le lit? Ouais. Je crois. Ok. Et c'est vraiment. C'est très triste et très drôle à la fois. Et elle fait beaucoup de. Bon, c'est quand même très drôle. Hein. C'est Fanny Ruet, qui est donc une humoriste belge qu'on adore et qui raconte. Je pense que c'est un peu autofictionnel. Nel, c'est comme ça qu'on dit? Mm-hmm. Je te regarde. Elle autofiction, raconte... quoi. Je sais pas si. C'est un peu. Voilà, on est sur un personnage qui s'appelle Ali. Ouais. Elle dit à la fin que bon, tout n'est pas vrai, mais tout n'est pas faux. Ouais. Elle passe un été déprimant, elle vient de se faire larguer et elle repense à son amour de jeunesse, qui était quelqu'un avec qui elle correspondait sur MSN. Et donc elle se souvient de Nour, cette personne avec qui elle avait énormément correspondu et qui elle avait créé beaucoup d'attachements, quoi. Et elle se dit, je vais retrouver cette personne. Et en fait, aucune trace de Nour sur Internet, à l'heure où tout le monde a quand même au moins un profil copain d'avant. Donc elle se dit qu'elle va mener l'enquête. Et elle essaie de retrouver Nour. C'est très très drôle et un peu triste à des moments. Tu l'as très bien vendu. Non mais Camille, en ce moment là, je pitch. Hein. C'est une machine à pitch. Avant, elle te racontait un film, elle connaissait plus l'histoire, pas les acteurs, pas le titre du film. Mais là, il y a le titre, il y a le pitch. Putain, mais c'est bravo. Mais attends, mais je suis devenue une femme. En ce moment là, la passion de Camille, on peut le dire, c'est 15 ans après tout le monde. Ah putain. Manque. Mais c'est ça que j'aurais dû vous recommander. J'ai écouté l'épisode où t'en parles. Ah, ça finit, ça y est. Ça y est, j'ai vu le grand final. Bah, j'ai versé ma larme. Spoil pas. Ah ouais. Oh là là, je spoilerai rien. Mais personne n'aime cette série. J'ai eu beaucoup de soutien en message privé. Mon ex a eu une période Monk à un moment. Bien sûr, profitez-en, c'est sur Netflix. C'est sur Netflix. Ça n'est pas la raison de notre séparation. Kalindi. Écoute, moi c'est terrible en ce moment. Je vais plus au cinoche, c'est affligeant. C'est quoi le dernier film que t'as vu au cinéma? Bah, c'est Mad Max 2, c'était il y a un mois, tu vois. Ça fout le plan. Et pourtant, j'ai un podcast de critique cinéma qui s'appelle Le seul avis qui compte. Mais j'arrête. Là cet été, donc du coup je vois moins, j'ai même pas vu ton film, je m'en excuse. Et tu sais pourquoi? Avec mon mec Amaury, on va pour aller voir ton film, mais nous on habite à la campagne, enfin on a une maison à la campagne dans le Perche, et en fait chez nous le cinéma le diffusait pas, il était diffusé à la Ferté Bernard, fallait faire 35 minutes de caisse. C'est la bien nommée, la bien nommée. On y va, c'est adorable. On y va pour voir ton film, c'est la fierté de Bernard. Et on arrive trop tôt, donc on va boire un café, non on va boire une bière, on s'assoit et tout machin, je commande une petite bière, et là il se met à pleuvoir de fou, et je commence à zoner sur Instagram, je regarde le programme télé, parce que depuis que je suis à la campagne, je regarde la télé tout le temps et je vois intégrale de Kaamelott sur Sister. Bon, c'est tout le temps. Oui, et là, j'ai pas besoin du programme télé, c'est la chaîne Sister. Hein, oui, oui. Là, si t'es en train de dire que t'as choisi Kaamelott. Et là, j'ai Amaury, franchement, je suis claqué. J'irais bien mater Kaamelott, tu vois. Aïe, aïe, et on est retourné, on a fait une heure de bagnole aller-retour pour pas aller voir ton film. Je m'en excuse tellement. Moi, la question, c'est pourquoi tu lui racontes ça ? Parce que c'est vraiment horrible. C'est vraiment. Lui dire, j'ai pas pu aller le voir, ok. J'ai failli voir ton film. Mais vraiment le raconter, dire, j'étais vraiment devant le cinéma. Hein. J'ai préféré aller voir Kaamelott. Il pleuvait, donc qu'est-ce qu'il fait quand il pleut, on fait quoi ? Normalement, au ciné. Hein. Non, mais c'est j'ai pas préféré ça. Prendre la voiture. Je sais c'était que ça va être tellement bien, hein. J'ai envie de créer le moment pour le voir. Et là, c'était un moment où j'avais envie de regarder, tu vois, une connerie que je connaissais mille fois. Donc là, j'ai vraiment hâte de le voir. Créer le moment, le moment étant quand t'as pas envie de voir Kaamelott, apparemment. C'est ça le moment. Non, mais je sais qu'il y a beaucoup de respect entre nous. Tu me files un bouquin qui était pour ta belle grand-mère, mais bon, il n'y a pas. Je sais qu'il y a beaucoup de respect, il n'y a aucun problème. Non, mais il n'y a pas de soucis. J'en ai entendu que du bien. Non. Alors, ma vraie reco, donc je te dis, je vais plus au Cinoche. Je vais recommander un truc dramatique, hein. Une série réalité Netflix qui s'appelle Owning Manhattan. Ok. Écoute, c'est un agent immobilier qui s'appelle Ryan Serrant qui lui veut régner sur l'immobilier à Manhattan. Et donc, en fait, il embauche des agents qui sont hyper forts. Et en fait, ils s'engueulent en visitant des appartements. Voilà, c'est tout. Okay. C'est une réalité. C'est un vrai. C'est une réalité. Okay, je suis accro. À okay. tout ce qui est télécrochet d'immobilier. L'agence français. Moi je découvre. Mais enfin, Adrien. Mais je suis ignare. je regarde pas du tout ça. Je savais même pas que c'était un style de télé-réalité. Mais bien sûr. Quoi. Mais attends, chez nous on a quand même l'agence. Ouais, cette famille insupportable. La famille Kretz avec le père, la mère, les quatre enfants insupportables avec leurs pulls sur leurs t-shirts à rayures bleu ciel. Tout est en férique. Mais moi j'adore, je peux pas m'en passer. Ah, pardon. Non, j'ai vu un truc que j'ai beaucoup aimé, contre toute attente, c'est la série Becoming Karl Lagerfeld, j'ai toujours du mal à le dire, je le dis lentement, avec Daniel Brühl, un acteur allemand formidable, totalement bilingue en français, je crois qu'il parle au moins 5 langues, il parle même catalan, enfin il est formidable, sur comment Karl Lagerfeld est devenu Karl Lagerfeld. Plein de trucs que je ne connaissais pas, son rapport amoureux avec Jacques de Bachère, qui était un dandy parisien, je connaissais rien. En fait, Jacques de Bachère sortait aussi à moitié avec Yves Saint Laurent, c'est ça, ouais. Et donc ce triangle amour est assez passionnant, et moi j'aime bien parce qu'il y a un traitement très Anne Fontaine de la biographie, très joli, très bien filmé, belle lumière, belle musique et tout. J'ai adoré Daniel Brühl, toujours au top. Bah Daniel Brühl quoi. Ouais. Des gens qui jouent très mal aussi, je les citerai pas, on est quand même avec des réals et tout qui pèse. Adrien. Alors moi, comme j'ai dit, il y a un peu de un tout petit peu de storytelling derrière ma reco. Alors je précise aussi, bon, c'est la fin de saison, j'ai plus grand chose à recommander. Il voilà, y a plus de petits jeux indés, c'est pas fou, ouais. Et puis je suis occupé en ce moment. Non, en gros, moi j'ai passé enfant tous mes étés chez mes grands-parents qui habitaient à Pont-l'Abbé. Et non seulement ils habitaient à Pont-l'Abbé, mais ils habitaient vraiment juste en face du Leclerc de Pont-l'Abbé. Donc c'est fou que t'en parles à ce moment-là. Et en fait, c'était un lieu... Enfin, c'était un truc de fou pour moi. Quand j'étais petit, le Leclerc de Pont-l'Abbé, c'était un lieu mythique, quoi. Parce que c'était... Bah, à la base, bon, c'était un supermarché. Mais supermarché dans le Finistère, machin. Donc c'est un peu ces lieux où tu peux vraiment tout acheter. T'as des rayons, ou t'as des magazines, t'as des livres, t'as de la bouffe, t'as tout, tout, tout. Et c'est là où j'ai acheté... Alors, je suis extrêmement vieux, mais j'ai acheté mon premier 45 tours, Leclerc de Pont-l'Abbé. Oh, wow. Oui, de MC Hammer. Oh là là. Et après j'ai acheté Vincent Lagaffe, Beau le lavabo, au Leclerc de Pont-l'Abbé. Que des voilà, tubes. Voilà. Que le rap en fait, hein, déjà, voilà. À hein. Que le hip hop. Hein. D'ailleurs MC Hammer, je l'avais acheté en pensant que c'était Can't Touch This. C'était une autre chanson de MC Hammer que j'avais acheté, donc je l'ai écouté. Je fais. Et Lagaffe, pareil, c'était malheureusement la Zoubida. hélas. Je peux pas garantir que c'était pas ça, mais j'avais 10 ans. J'avais 10 ans. Non, et la Zoubida a une super instru. Voilà, on peut dire les choses, on sait on pas les résultats c'est d'hier. C'est très entraînant, c'est malheureux. C'est mais malheureusement, c'est vraiment, l'instru est un tube. Voilà. Après, c'est peut-être notre hymne national maintenant. Ça va peut-être devenir notre hymne national. Après, je crois qu'il reprenait des instrus qui existaient déjà, je crois. C'est sûr. Genre Beau le lavabo, c'est un morceau qui existe. Enfin, bon, j'ai jamais entendu parler de ça, je suis ravie, j'écouterai tout à l'heure. On va s'écouter après. Et tout de suite, Vincent Lagaffe, Beau le lavabo pour les auditeurs du Floodcast. C'est parti. Non, et du coup, en plus, c'est un lieu qui, en plus, il a grandi, il a évolué. Après, il y avait le jardin bio à côté, machin. Donc, quand je suis devenu un bobo gauchias vegan, bah, je pouvais acheter du tofu, machin. Donc, c'est vraiment un lieu qui a une. Enfin, ça a vraiment une place dans ma vie. Ça, est-ce que c'est un reco culturel ? Oui et non. Parce que quelle ne fut pas ma surprise en errant sur Instagram de voir que le compte Instagram du Leclerc de Pont-l'Abbé fait le buzz, ouais. Et quoi extrêmement marrant parce que ils ont adopté cette trend que beaucoup ont connue avec le magasin Apriso. Je sais pas si vous avez vu. Non, pas vous voyez pas. Tout. En gros, c'est bah, c'est un peu une trend de, enfin, qui a été repris pour faire de la com. Mais en fait, c'est tu prends une vidéo, le début d'une vidéo de quelqu'un qui se casse la gueule à moto. Et tu cut et tu finis le mouvement et après tu dis hey, venez acheter machin nanana. Ah bon, mais quoi, gros, ouais. Ben c'est genre la personne sort un peu du champ à droite et ouais, toi tu rentres à gauche dans le cut, ouais, d'après, voilà, et tu fais autre chose et du coup le mouvement est en gros propre, tu fais un cut de mouvement dans une vidéo un peu saugrenue et en fait c'est toi et après tu parles, etc. Et le raccord et dans coup, le mouvement fait que c'est bluffant quoi, t'as, c'est vrai, un truc un peu marrant, coup, quoi. En France, bon, c'est une trend qui existe, enfin qui est très connue, mais en France ça a été popularisé par une boutique dans le 77 qui s'appelle Apriso, ça a un peu fait le buzz. Et il se trouve que le Leclerc de Pont-l'Abbé, le mot fait le buzz à Ringard, c'est ça. J'en ai parfaitement conscience. Non, et il se trouve que voilà, le Leclerc de Pont-l'Abbé fait des vidéos qui sont vraiment, qui me font trop rire. Alors pas que moi, mais en plus c'est le Leclerc de Pont-l'Abbé quoi. Et donc j'ai eu, ouais, on pourrait dire un choc mental. Ah ouais, bien sûr. Non, mais de voir, je fais ben putain, c'est le Leclerc de Pont-l'Abbé quoi. Et c'est souvent fait par un gars. Mais oui. Qui a un visage très sympathique. Il est très sympathique, il a une petite voix un petit peu au perché, ouais, il ressemble un peu à, au mec de, parce que tout le monde met ça dans les commentaires, au mec de The Walking Dead, mais avec, oui, des lunettes. Oui, oui, c'est ça. Mais, et de Pont-l'Abbé, enfin, et tout vraiment bien. Tout est bien, et ouais, le mec s'investit dans les, dans ses vidéos où il se jette par terre, il glisse entre les rayons et tout. Mais on va aller s'abonner, donc c'est sur le compte Instagram du Leclerc. Leclerc, okay, de Pont-l'Abbé, ouais. Et vraiment, si je peux envoyer de la force au Leclerc de Pont-l'Abbé, parce que bon, je veux pas non plus promouvoir la grande distribution et tout, machin, mais il se trouve que dans mon cœur, le Leclerc de Pont-l'Abbé a une place particulière. Et donc, ça m'a rendu fou de le retrouver des années après sur Insta. Chers amis, ça fait 1h50. Donc, toi, parle. Tu donnes pas de recours en fait. Non, il arrête maintenant. Mais... parce que je vous dis, je une philosophie me maintenant. Saoule, voilà, je vais être accepté, okay, okay, comme okay. Voilà. Comment? J'ai dit, t'as une petite philosophie, et après, j'ai dit d'être accepté comme tu es. Bon. Je l'avais mieux dit la première fois. Amel Beg. Voilà. Ah là, j'adore. Magnifique. Donc, petit dernier tour de table. Camille, toi, tu joues en ce moment beaucoup. Attends, je mange, tu veux pas demander à ma collègue. Je vais commander à ta, je vais commencer avec ta collègue. Kalindi. Moi, je suis encore sur Amel Beg. Ouais, je comprends. Une excellente blague. Tu, oui, as sorti un livre. Oui. Intitulé Les Jours Mauves. Oui. J'en entends que du bien. C'est franchement vrai. Oui. Oh, bah, ça me touche énormément. J'ai pas commencé à lire encore parce qu'il y avait Kaamelott sur Sister, mais je vais m'y mettre à fond cet été. Il y avait Monk. Mais c'est, on me dit que du bien. Bah, tu parlais du livre de Fanny Haraway qui parlait de rire et d'émotion. J'ai l'impression qu'il y a ça aussi. J'espère en tout cas que c'est, parce que c'est ce que j'ai vraiment voulu faire. C'est un bouquin, c'est con à dire, hein, c'est Cucul à Praloche, mais que j'ai écrit avec tout mon cœur. Ouais. Que j'ai écrit suite à la mort de mon papa, et c'est une vraie réconciliation pour moi avec mon père, ce bouquin. Ça a été une formidable aventure à écrire, et je suis trop contente que le petit succès, en tout cas dans le monde littéraire, non, c'est soit un, au, c'est un petit succès, il faut le dire, non, ouais, c'est, ouais, un succès, mais, hein. Bon, voilà, je suis contente, ouais, que les lecteurs aient été au rendez-vous et la critique aussi, parce que je l'ai vraiment écrit avec toute mon âme et tout mon cœur, donc je suis très heureuse de ce qui arrive à ce livre. Le mot, ouais, c'est vraiment, j'entends beaucoup rire, émotion, sincérité, ouais, et, ouais, et, ouais, moi je trouve que c'est les trois qui, voilà, c'est, moi, ça je trouve que quand tu fais un truc sincèrement, ça peut jamais vraiment être à chier, tu vois. C'est ça, c'est à dire, en tout non, cas, ouais, non, on est d'accord. Non, mais si t'es sincèrement une merde humaine, bon, tu vois, mais non, non, mais là, au moins, ça plaira à d'autres merdes humaines. Ouais, une œuvre d'art sincère ne m'énervera jamais, en tout cas. Voilà, c'est pareil. Je trouve qu'il y a toujours un truc touchant, oui, dans une œuvre sincère, là où quand c'est des trucs un peu, enfin, voilà, c'est, mais ouais, moi, opportuniste. Ça, non, écoute, j'ai mis tout mon humour, alors il est ce qu'il est, mais bon, il est là. J'ai mis tout mon humour, j'ai mis tout mon cœur, voilà, j'ai réécrit l'histoire de mon père via ce road trip qui, j'espère, est assez solaire. C'est un bouquin de l'été, donc n'hésitez pas à l'acheter pour le lire sur la plage. Je pense que c'est l'œuvre parfaite. J'écris mon second actuellement, voilà, j'espère qu'il sortira l'année prochaine. Génial. Il a été acheté en poche, donc si vous n'avez pas 20 balles à mettre, ce que je comprends, l'année prochaine vous pourrez l'acheter à moindre coût, et ça, c'est formidable. J'espère qu'il y aura une version lue, que je lirai moi-même. On est en train de bosser. D'ailleurs, je vais préciser, parce que je l'ai pas dit, c'est bien Fanny Haraway qui lit, ah, son qui livre. Lit, okay. Bon, je suis beg, ça y est, c'est fini. Mais en tout cas, c'est, oui, bien. Oui, donc, mais toi, il n'y a pas encore l'audio. Il n'y a pas encore, ouais, l'audio, mais j'espère que ça va arriver. Ouais. Et là, je travaille le scénario avec des super producteurs, donc on espère que ça finira par arriver au cinéma un jour, parce que c'est comme ça que je l'ai écrit. Génial, ce, ouais, serait formidable. Bien. Au début, je voulais écrire un film. D'accord. Je me suis dit, putain, on sait écrire un film, 8 ans et demi. 14 000 connards à séduire, un bouquin, t'es seul chez Watt, a priori tu vas avoir une maison, c'est oui ou c'est non, mais c'est clair, tu vois. Ouais. Donc j'ai pris ce chemin là, ça me semblait être plus simple, bah ça a été plus simple, voilà. Ouais, c'est bien. Donc mais je l'ai écrit, c'est très séquencé, vous verrez, mais j'ai aimé l'écrire, ça a été une formidable aventure, la plus chouette de ma vie professionnelle en tout cas. Génial, bah écoute, ça donne trop envie en tout cas. Et Si elle ne vous a pas donné envie, vous pouvez lire les critiques, les trucs, tout le monde dit que c'est génial, donc n'hésitez pas. Les jours mauves, c'est franchement des petites photos là sur pendant les vacances, vous envoyez sur Insta, voilà, vous prenez des photos, ça nous régalera. Mais voilà, oui, ça nous fera très plaisir. Devant la mer ou la montagne. Oui, peu importe, même tout dans, ce que dans vous votre jardin, dans votre canapé, oui, vous l'achetez, c'est un bon livre au boulot. Un road trip et tout. Si vous travaillez l'été, franchement, lisez. Ouais, pas au McDo parce qu'ils peuvent vous balancer des trucs par terre, mais sinon c'est pas mal. Adrien. Oui, bon, il y aura pas grand-chose, moi. Hein. Ouais. Comme d'hab, là. Non, toujours la bonne auberge en octobre, dernier épisode. Oui, c'est voilà. Ça. Mais oui, j'ai vu ça l'autre jour en allumant W9. Non, je pense pas, non. Si. Non, ah non, ça c'est la petite histoire de France. Ah pardon. Oui. Mais alors, je ne savais pas. Et j'ai mis du temps à te reconnaître et j'étais là. Mais c'est Adrien Méniel. Bah, c'est le Gaulois de la télé. Je suis un Gaulois de la télé. Mais oui, c'est formidable. Bravo. Merci. C'est pas mon actualité, mais parce que j'en ai pas vraiment. Oui, si, il y a la bonne auberge, mais c'est dans longtemps. Ouais. On aura le temps d'en reparler. Et tout, sinon, là, ça écrit, ça bosse dans l'ombre. Ça écrit sur des trucs. Camille, stand-up. Stand-up, ouais, spectacle à la rentrée. Là. Ah ouais, c'est un petit rodage de 1 heure de blague. Ouais. Tu as le lieu déjà ou... Ce sera au Sacré, qui est l'ancien Silencio, qui est aussi une boîte de nuit. D'accord, mais qui okay. A une salle où on peut faire du stand-up et où c'est très très sympa de faire du stand-up. Trop donc génial. Je vais roder là-bas 8 dates à la rentrée. Super, t'as les dates ou pas encore? Je l'ai pas ce vu, excuse-moi. Ce sera à partir du 2 octobre jusqu'à fin novembre. La billetterie va ouvrir bientôt, donc allez me follow, please. Je follow, allez, back. On remplit les salles, Nous, on aide à remplir les salles, a priori. Donc ça nous fait plaisir. Non, je l'ai pas vu, excuse-moi, pardon, je l'ai pas vu sur internet que tu avais. Et non, parce que je l'ai pas annoncé. D'accord, encore, okay. Mais ça ne saurait tarder, donc restez connectés, comme disent les jeunes. bien sûr. Et puis quelques dates aussi à Lille, à Marseille, un peu tu en vas France. Tourner un petit peu, voilà. Donc l'idée, c'est que tu rôdes pour ensuite avoir le spectacle en entier. Exactement. Reviendra nous en parler. Mais avec évidemment. Plaisir. Et donc 4 quarts d'heure qui continue cet été avec des épisodes où vous parlez de sujets particuliers, mais j'imagine à la rentrée. Vous revenez aussi bien à sûr. Septembre avec des épisodes toutes les semaines. C'est une hebdo. C'est une hebdo, toutes les semaines, tout à fait, ouais. No up et no down de nos vies ou de la culture ou de ce qu'on veut. C'est un concept très flou, mais ma foi, voilà. Qui fonctionne. Oh, vous savez. Ah. Non, mais vous avez quand même des rubriques, il y a des jeux. On a juste pris les grosses têtes. Ouais, on a mais fait c'est notre ça. Sauce, j'ai bien vu, voilà. j'ai bien vu. C'est juste ça. Hein. Bon, bah, trop bien. Et puis, moi, quant à moi, Les Le Roi en août, en VOD et en Blu-ray et tout. Mais oui, mais ça oui, je vais tout acheter pour me faire pardonner. Non, mais je crois, j'ai plus la date exacte. Je crois que c'est début août en VOD et plutôt fin août en format physique. Mais le Blu-ray, on a vraiment taffé, je l'ai déjà dit, hein, mais il y a des bonus, il y a des commentaires audio, dont un qu'on a fait avec Adrien où on dit de la merde pendant 1h45. Une seule seconde. Pas une seconde, on parle du film, on fait que des blagues, mais il y a un making-of, il y a les deux enfants, Adrien et Lily, Aubry et Olmé, qui parlent de leur expérience de jeunes acteurs pendant 20 minutes. Ils reviennent, ils rematent leur premier casting qu'ils ont fait sur le film et tout. Et c'est un bonus qu'on a pensé vraiment pour les jeunes qui veulent faire ça, donc c'est vraiment eux qui parlent de leur expérience de jeunes comédiens. Donc ça, je trouve ça grave intéressant parce que je les adore les deux. Et voilà, il y a des petits trucs, il y a la première journée, le premier mercredi de la sortie où on nous a suivis on nous a filmé, donc vous verrez Baptiste, Adrien, Sébastien, enfin voilà, on a beaucoup rigolé, c'était très cool. Et voilà, le film est dispo, donc si vous l'avez raté au cinéma, vous avez préféré regarder Kaamelott sur Sister, voilà. tout sera en VOD et en Blu-ray, voilà. Et puis nous, je crois qu'on va faire un épisode encore et puis après les vacances. On sait pas qui, on sait pas quoi, on sait pas comment, voilà, mais on va se faire un épisode et après on revient à la rentrée. On n'a pas encore la date, nous on est toujours à la cool pour la 10e saison du Floodcast. Putain, c'est bravo, incroyable. Ouais, bravo. Écoute, pour toutes ces bougies soufflées. Écoutez, je peux rajouter un petit truc de bien sûr, parce que c'est ton train que tu rattrapes, Alindy. C'est toi, tu es la maîtresse de ton train. Écoutez, Alix et moi, Alix Martineau qui fait aussi 4 quarts d'heure, on lance bientôt un crowdfunding pour nous aider à financer notre premier film, enfin, notre court-métrage, qui est un thriller ornithologique, mais j'en dirai plus à la rentrée. voilà, donc ça, restez connectés sur nos petits Instagram pour voir un peu l'actualité, car ce sera important de donner ne serait-ce qu'un tout petit peu pour qu'on puisse faire ce très beau film dont on rêve depuis très longtemps. On n'a pas eu le CNC, donc bon voilà, il faut vraiment... Donc du coup, on a besoin besoin de votre aide, de votre argent, n'hésitez pas, merci beaucoup. Trop bien, et bah, n'hésitez pas. Kalindi sur Instagram, Camille, on est tous Instagram, venez nous voir sur Instagram. De toute façon, là, on va pas oublier de faire la photo, donc on pourra aller sur le compte du Floodcast et vous serez tagué. Il y aura tout le monde tagué. Voilà. Bon, bah, merci tout le monde. Merci, c'était super, quel plaisir. Merci beaucoup, formidable. Il s'agissait du Floodcast. Pardon.